Il est celui qui bénit mon âme. Il est celui qui me protège. Il est celui qui me garde. Par cette reconnaissance, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer Amen, amen. Nous allons louer le Seigneur. Pendant ce temps, nous appelons les canaux vocaux. Pendant qu'ils sont en train de descendre, est-ce que nous pouvons les encourager avec les acclamations? Bien-aimés, la Bible nous dit dans Psaume 100, poussez vers l'Éternel les cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération à génération. Est-ce que nous pouvons élever nos voix avec des acclamations? Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Ma pendezi yadunio si yadamani tena bwana mina acha ni fanane na we. Ma pendezi yadunio si yadamani tena bwana mina acha ni fanane na we. Ma pendezi ya dunia, ma pendezi ya dunia, si ya tamani tena bwana minacha, nifanane na we. Ma pendezi ya dunia, ma pendezi ya dunia, si ya tamani tena bwana minacha. Amen, amen. Je pensais que quelqu'un que Dieu a fait voir le premier dimanche de 2026 pouvait bien acclamer le roi des rois. Amen, amen. Apparemment, on n'a pas encore réalisé que nous sommes dimanche. Donc, le tout premier dimanche de 2026. C'est une grâce. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour mieux louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous? Parce que beaucoup n'ont pas vu ce dimanche. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en ces lieux. Il y a une personne qui, le nom de Dieu, donne de la paix. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Le nom de Jésus, personnellement, moi, ça me donne de la paix. Est-ce que toi, ça te donne aussi de la paix? Est-ce que tu peux balancer la main pour la gloire de Dieu? Ah! Est-ce que tu peux bouger pour la gloire de Dieu? Ah! Bouger! Bouger! Bouger! Bouger, bouger, bouger, bouger. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Est-ce que tu peux bouger? Jésus, ton nom est si merveilleux. Jésus, ah, ton nom est si merveilleux. Jésus, oh mon Dieu, Jésus, ah, ton nom est si merveilleux, ton nom me donne de la paix, Jésus. Ton nom me donne de la paix, Jésus. Ah, ton nom me donne. Ton nom me donne de la paix. Ton nom me donne. Ton nom me donne de la paix. Il me donne. Ton nom me donne de la paix, Jésus. Oh mon Dieu. Ton nom me donne. Ton nom me donne. Ton nom me donne. Ton nom me donne. Ton nom me donne de la paix, Jésus. Ah, fomo la lola na yo, ya ya. Fomo la lola na yo. Ya ya ah fongola lola fongola lola fongola lola fongola lola Jesus fongola lola fongola lola Jesus ah yoko kisabilaka Jesus. Yoko kisa bilaka, Yesu. Ah, yoko kisa. Yoko kisa bilaka. Yoko kisa. Yoko kisa bilaka. Yoko kisa bilaka. Yesu. Yoko kisa bilaka. Yoko kisa. Yoko kisa bilaka. Yoko kisa. Yoko kisa bilaka, Yesu. Yoko kisa bilaka, Yesu. Yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, yoko kisa, danser pour la gloire de Dieu. le Seigneur. Yesué, la bête est l'autre à Boko, Yesué, Akumisama, Mosantuna, Basantu, Yesué, Timaki, Koku, Fabuetinana, Pita, Polimona, Yango, et ton Dimekena, Motema, Naponi, Nanga, Yesué, Nakolanda, Nanga, Yesué, Yesué, Yananga. Yesu motema nanga, Yesu mabanzo nanga, Yesu ya nanga, Yesu ya nanga, Yesu motema nanga. Bona moko simonene na bitumba libota bitumba makasi bona koloni sangai kolo Yesu e mwana na zambe na pesa e nini papa mala mwe etikake bonyo so e ete na bolo gota e na pesa e nini papa mala mwe kolo Yesu e mwana na zambe na pesa e nini. Papa malamoué, Papa Yesu, Mwana na Nzambe, Napesa yo nini, Papa malamoué, Papa Yesu, Mwana na Nzambe, Napesa yo nini, Papa malamoué, Papa Yesu, Papa Yesu, Papa Yesu, Papa Yesu. Ce que Dieu a fait, il a fait de venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Oh, Adonai. Adonai. Adonai. Adonai. Je t'ai béni. Je t'ai béni. Adonai. Adonai. Que soit l'honneur. Reçois la gloire. Tellement, tellement, tellement, tellement. Tu es tellement merveilleux. Oui, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, tellement tellement tellement tellement. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Oh, il est beau. Il est beau. Celui qui l'ombre qui sa main change la main donne celui et toi mille colo et Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Il mérite plus que l'adoration. Il mérite plus que ton acclamation. Il a besoin que tu lui parles ce matin. Il a besoin que tu ouvres ta bouche pour que tu lui dises tout ce que tu as, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour toi. Nous voulons adorer le Seigneur des Seigneurs. Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous réalise ce que Dieu a fait depuis que l'année a commencé jusqu'à son achèvement. Depuis que 2026 a commencé, il t'a gardé en vie. Parce que tout commence par la vie. Si tu as la vie, tu es capable de réaliser certaines autres choses. Nous avons commencé 2026 beaucoup plus nombreux. Mais jusqu'hier, il y a ceux qui nous ont laissés. Mais toi et moi, ce matin, nous sommes là parce qu'il nous aime d'un amour vrai. C'est pourquoi j'aimerais, bien aimé, que tu lui dises merci. Que tu l'adores pour ce souffle de vie d'abord. Que tu l'adores pour ce qu'il a fait. Et j'ai la foi qu'il va faire encore plus que ce qu'il a fait en 2025. Jésus, sois béni. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Éternel Dieu tout puissant, nous te bénissons. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Oh Jésus, sois élevé. Jésus, sois adoré. Jésus, sois exalté au-dessus de tout. Qui est comme toi, Adonai? Là où j'en suis, c'est grâce à toi, Père. Qui est comme toi, toi le Dieu fidèle. Alléluia. Jésus, tu mérites d'être levé ce matin. Tu es celui qu'on appelle soleil levant. Jésus, je ne sais pas comment te rendre grâce. Je ne sais pas comment te dire merci pour cette année 2026. Oh, Jésus. Il est merveilleux. Il est pris grand. Bye. Que la technique nous aide à arranger le son, le treble. Nous avons des problèmes. J'ai vu la chorale souffrir un peu. Nous voulons démarrer une nouvelle année. Nous allons essayer d'enseigner, de démarrer progressivement. Et je pense que Dieu va nous aider. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur ce matin. Je voulais qu'on me laisse les deux chairs ici devant. Nous continuons à prier en gardant les deux chairs ici devant. Jusqu'à ce que Dieu fasse ce qu'il va faire. Mais seulement les gens qui arrangent doivent me positionner les... Mais positionner les roll-up pour que la vision soit lue clairement. Alors, nous prenons nos Bibles pour commencer ce premier dimanche avec notre thème de l'année dans Daniel chapitre 11, verset 32b. J'aimerais quand même mettre les deux versions, Louis II et Bible Martin. « Daniel chapitre 11, verset 32b. Est-ce que la technique peut être avec nous? J'attends le tableau de devant, merci. Notre thème de l'année. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. On me laisse le verset 32b. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Na wale watu wataweza kutambua wao Mungu watatenda na hakika yote. Mettez-moi la version Martin. Tende utafsiri wa Martin. Vous mettez aussi King James en anglais mais mettons Martin en français. Na King James tena Kiingereza mtoke kwanza hii ya mu Kifaransa. Je suppose qu'il y a quand même quelqu'un à la technique là. Il y a quand même des gens à la technique qui sont avec nous dans l'église. J'aimerais qu'on lise une autre version, ça va nous aider à comprendre de plus en plus la pensée. Martin. J'ai lu ces deux versions. Vous n'avez pas Martin ? Parole de vie. Ok, on peut lire les versions qui sont là. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Mettez Darby alors. J'ai vu tantôt Darby. Ok, ça c'est. Ok. Je lis en français en sous. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Alléluia. Voilà la pensée qui est traduite. Et dans la version que j'ai demandé Martin, on dit ceci. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Alléluia. Amen. Il fera des exploits. Donc connaître Dieu, c'est être fort dans la vie et être capable de faire des exploits. Amen. Amen. Le premier sous-thème que je prends qui va nous introduire ce mois de janvier, c'est la puissance de la connaissance de Dieu. La puissance de la connaissance de Dieu. Alors, j'ai fait des slides. C'est pas en soi. J'ai fait des slides. La technique soit avec moi pour que les gens suivent. Comme c'est le premier dimanche. Que les gens suivent progressivement, que nous puissions y aller. Donc ce matin, je vais parler sur six contenus. Premièrement, je vais introduire. Deuxièmement, je vais parler de la puissance liée à la connaissance de Dieu. Troisièmement, je vais parler de la possibilité de connaître Dieu. Quatrièmement, je vais parler de la priorité de connaître le vrai Dieu. Cinquièmement, je vais parler du Pentagone de la connaissance. Je vais expliquer, ne vous en faites pas. Et je vais terminer ce que nous allons introduire dans la prière, connaître la puissance de Dieu. Voilà, nous allons y aller et la technique va nous suivre. Je commence avec l'introduction. La première déclaration que je peux donner aujourd'hui. La véritable connaissance de Dieu dans nos cœurs transforme la vie. Je reprends. La véritable connaissance de Dieu dans nos cœurs transforme la vie. Il n'y a pas de transformation de vie sans la connaissance de Dieu. Celui qui connaît Dieu, sa vie sera transformée. Frères et sœurs, la véritable connaissance de Dieu dans le cœur, c'est ce qui va transformer ta vie. Nous pensons que la vie est transformée par la prière. Nous verrons la place de la prière. Nous verrons la place des services. Mais la véritable connaissance de Dieu transforme une vie. Ici, j'ai donné un exemple de Daniel. Daniel était jeune quand on l'a amené à Babylone. Daniel, il n'était pas seul. Ils étaient nombreux. On les a amenés à Babylone comme des esclaves. On les a pris comme des esclaves. On les a amenés à Babylone. Et arrivés à Babylone, ils étaient considérés comme des serviteurs. Je vais bien dire en swahili, comme wa boy wa mfalme. C'était comme ça qu'ils étaient considérés. Naturellement, la vie de Daniel pouvait être amère et cynique. Mais il s'est dépassé à cause de la connaissance de Dieu. Bien-aimé, il y a des secrets dans la vie et des situations qui ne peuvent être révélées qu'aux gens qui connaissent le Seigneur. Il y a certains amortissements dans la vie que tu ne peux avoir que si tu connais Dieu. La façon de vivre, nos plaintes, nos lamentations traduisent notre niveau de connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et on voit que Daniel connaissait Dieu. On voit vraiment qu'il connaissait Dieu. Que c'était un homme qui ne menait pas une vie par hasard. Le roi va faire une première vision, un premier rêve compliqué. Au chapitre 2, il va rêver d'une statue. D'une statue géante. Qui est là dans le royaume. Il y a moule, pango falme. Et il va rêver. Qu'il y a une pierre qui se détache quelque part, qui brise la statue. En fait, il fait un rêve qu'il oublie. Mais quand il se réveille, il se rappelle que non, j'ai fait un rêve pas particulier. Il appelle les magiciens, il appelle les astrologues. Il dit, rappelez-moi un peu mon rêve. Et donnez-moi l'explication. Donc, il dit, d'abord vous me rappelez le rêve. Et puis vous me donnez l'explication du rêve. Tous ont dit non. On n'a jamais demandé ça. Donne-nous nous le rêve. Et nous allons te donner l'explication. Si vous vous amusez avec moi, si vous ne me donnez pas le rêve et son explication, je vais vous tuer. Non seulement vous, mais tuer aussi vos maisons. Alors c'est comme ça qu'au chapitre 2, verset 28, Daniel 2, verset 20. Je vais lire parce que nous devons gagner le temps. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Et le verset 28, je commence par le verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a des choses sur cette terre. Dans ta famille. Dans ta vie. Que si tu ne connais pas Dieu, na kama wewe haumjui Mungu, tu ne sauras pas découvrir. Hautaweza kuyaivumbula. Alléluia. Amen. Et le verset 28 nous montre comment Daniel connaissait Dieu. Na Shailia, makumi mbili na munane, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Kuna mule mbinguni mwana Mungu anafumbula masiri. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Na yeye mtambulisha mfalme ili tafika masiku ijayo. Voici ton songe. Tazama ndoto yako. Et les visions que tu as eues sous ta couche. Na onyo uliweza kulota pa kitanda yako. Frères et sœurs. Nduku na dada. La véritable connaissance de Dieu. Ufahamu wa kweli wa Mungu transforme la vie d'une personne. Uko na badilisha maisha ya mtu. Ta vie ne peut pas être transformée. Maisha yako haitaweza kubadilishwa. Si tu ne connais pas Dieu. Kama wewe haumjui Mungu. Frères et sœurs. Nduku na dada. Tu peux avoir de l'argent. Unaweza kuwa na hela. Tu peux avoir le matériel. Unaweza kuwa na vitu mbalimbali. Mais si tu ne connais pas Dieu. Kama wewe haumjui Mungu. Tu ne connais pas les secrets. Hautaweza kufumbula siri. De gérer ton argent. Ya kuweza kuchunga hela yako. Siri. De mener ta vie. Ya kuishi maisha yako. Il n'y a que la connaissance de ni Dieu. Paka tu qui peut transformer quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'était mon introduction. Deuxièmement, je voulais parler de la puissance liée à la connaissance de Dieu. Nous sommes en début de l'année, nous sommes en train de poser des bases pour nous. La puissance liée à la connaissance de Dieu. C'est quoi connaître Dieu? Connaître Dieu, premièrement, c'est connaître les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. En français simple, connaître son nom ou ses noms. Kuyua majina yake mbalimbali. Qui donne ses attributs. Ile inamutambulisha jinsi eko. Les attributs, c'est ce que Dieu a déjà fait ou ce que Dieu fait. Ima utambulisha yote ile Mungu asakufanya na jinsi eko. C'est ce que Dieu est. Jinsi huyu Mungu eko. Parce que les attributs, sababu vitambulisho vyake être. Inatokea kule ni kuko. C'est ce que Dieu est. C'est ça les attributs de Dieu. Je vais lire dans le psaume 9, verset 10. Psaume chapitre 9, verset 10. Psaume 9, la Bible me dit: l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Wa milele inakuwa ni kimbilio kwa ule anasongwa kabisa. Un refuge au temps de la détresse. Kimbilio wakati ya tahabu. Il faut connaître que quand je suis en détresse, wakati unakuwa na magumu na katika tabu, je peux recourir à l'Éternel. Nitakimbilia kwa milele. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, c'est quoi? Kumjua tena Mungu ni nini? C'est connaître aussi les décrets de Dieu. Ni kujua tena maagizo yake. Les décrets, ce sont des ordonnances. Ce sont des choses que Dieu décide. Et que personne ne peut changer. Un jour, nous allons trop parler du livre de Daniel, comme j'ai dit cette année. Le roi Nebuchadnezzar, il fait un rêve d'un grand arbre. Tous les les oiseaux du ciel viennent manger là-bas. Ndeke zote za anga ilianza kuya na kula pale. Et puis on coupe ce grand arbre. Kisha le muti ilikatiwa. On laisse seulement un morceau. Banaacha tu sehemu ya muti. Quand il se réveille, wakati anaweza kuamuka, il veut l'explication de ce son. Alitajia tena kupata matafsiri hiyo ya ile ndoto. Dans Daniel chapitre 4 verset 24. Kitabu ya Danieli sura yake ya 4 mstari wa 24. Voici l'explication. Yeye anamwambia kama mfalme tazama mafasirio yayo. Voici le décret du Tout-Puissant. Ona sasa imakanuni ya wa milele qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. Ili takuya juu ya mfalme na bwana wangu. Daniel lui dit qu'il y a un décret. Daniel asiko nakuya kanuni moja. Un décret est une décision. Basi ni mpango ila kamatiwa. Frères et sœurs, nduku na dada, connaître Dieu. Basi kumjua Mungu. C'est connaître les décisions de Dieu. Ni kujua mipango mbalimbali yake Mungu. Il y a des choses que Dieu a décidé sur ta vie. Kuko vitu Mungu alikamatiwa nayo mipango. Que le monde ne peut pas changer. Hata ulimwengu haitaweza kubadilisha. Je déclare ce matin. Basi nasema tena asubuhi ya leo. Toute décision de Dieu. Mipango yote ya Mungu. Sur ta vie. Juu ya maisha yako. Puisse s'accomplir. Ipate kutimizikwa. Les ténèbres, na toka ni les hommes, hata watu, ne soient capables de changer ça. Alléluia. Amen. Quand tu connais, wakati unapojua, la Bible dit, na Biblia nasema, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ile taifa itamjua wao Mungu, seront forts, watakuwa na nguvu, seront forts. Batakuwa na nguvu. Et agiront avec fermeté. Na batatenda na hakikisho yote. Ils seront forts. Maneno batakuwa na nguvu. Et ils feront des exploits. Na batafanya maishara. Quand quelqu'un connaît les décrets de Dieu. Wakati Mungu anayua hamri na kanuni ya Mungu. Frères et sœurs. Nduku na dada. Beaucoup de gens sont perturbés. Watu wengi wanahangaishwa kabisa. Parce qu'ils ne connaissent pas. Sababu hawamjui vizuri. Ce que Dieu a dit en leur faveur. Ile Mungu alisema kwa ajili ya faida yao. Ils ne connaissent pas Habajua kitu. Ce que Dieu a dit en leur faveur. Ile Mungu alisema kwa faida yao. Ils ne connaissent pas les décrets de Dieu. Habajue makanuni na hamri yake Mungu. Ce que Dieu a dit qui les concerne. Ile Mungu alisema inawaelekea. Frères et sœurs. Nduku na dada. Il y a des choses. Kuna na vitu. Que le Seigneur a déjà dit sur toi. Ile Bwana alishasema kwa ajili yako. Sois calme. Tulia tu. Sois confiant. Uwena tumaini ndani yake. Ça va se réaliser. Itatimizika hakika. Tu auras ton travail. Utapata kazi yako. Tu auras ton mariage. Utapata ndoa yako. Ta destinée est garantie. Hata ukesho wako uko tayari. Parce que c'est un décret de l'Éternel. Sababu ni Bwana anasema hivyo. Alléluia. Amen. Connaître les décrets de Dieu. Kutambua makanuni yake Bwana. C'est quoi connaître Dieu? Kumjua Mungu ni nini? C'est aussi être instruit par la création. Na kufundisha tena kupitia umbile. Être instruit par la création. Kufundishwa na umbile. La Bible nous dit dans Romains chapitre 1 verset 20. Mkitabu ya Waroma sura ya kwanza mstari wa 20. Romains chapitre 1 verset 20. Waroma sura ya kwanza. La Bible dit quelque chose de bien. Biblia nasema kitu kema kabisa. Les perfections invisibles de Dieu. Maendeleo na kana ya Mungu, sa puissance éternelle et sa divinité, hata uwezo wake wa milele na Mungu wake, se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Ikunaonekana kama kwa licho tangia umbile wa ulimwengu. Depuis la création du monde. Tangia umbile wa ulimwengu. Quand on les considère dans leur ouvrage. Wakati unaiona mu makazi yake. Alléluia. Amen. Quand tu c'est de comprendre la création de Dieu. Comme on est lewa uhumbo wote wa Mungu, tu comprends la puissance de Dieu. Pale utelewa nguvu yake yote. Quand on regarde les gens qui montent sur la lune, qui vont chercher Mars, qui voyagent dans les airs. Kuna watu wanatembea hewani, banenda katika miezi na fasi mbalimbali. Psalm 7 nous dit que ceux qui voyageaient sur la mer. Wengine walitembea juu ya mabahari. Ils ont reconnu la puissance de Dieu. Basi walitambua uwezo yake Mungu. Bien-aimé, quand tu regardes la création. Ukiangalia tu umbile yake. Tu vois la puissance de Dieu. Na unaona basi uwezo yake. Quand tu vois les enfants qui naissent. Ukiangalia watoto wenyewe wanazalika. Quand tu dis que comment Eve s'est accouchée. Na kama unajiuliza alizala namna gani? Il n'avait pas de maternité. Akukua na matengenezo. Akukua na mganga. Dieu lui-même a conduit la naissance. Mungu mwenyewe aliongoza kuzala kwake. Tu réalises qu'il y a un Dieu puissant. Hapana unasema kama kuna na Mungu au wewe. C'est pour elle, Dieu peut le faire. Yale mufanishia na mimi matenitendea hivyo hivyo. Alléluia. Amen. Connaître Dieu. Kuweza kumjua Mungu. C'est connaître sa puissance. Ni kujua tena uwezo yake. Connaître ses attributs. Kujua tena mipango yake. Connaître ses décrets. Kujua tena maagizo yake. Être inscrit par la création. Na kufundisha kupitia umbile. Bien-aimé, l'objectif que Dieu poursuit cette année. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une possibilité de connaître Dieu? Oui. Il y a toujours une possibilité de connaître Dieu. Comment on peut connaître Dieu? D'abord, la première chose. Na kitu ya kwanza, Dieu veut qu'on le connaisse. Mungu anataka wamjue. Ça c'est extraordinaire. Ni ajabu kabisa. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des rois qui ne veulent pas qu'on les connaisse. Watu, mais wanawake, Dieu Mungu veut qu'on le connaisse. Anapenda tupate kumjua. Dieu veut que l'homme le connaisse. Anapenda mwanadamu apate kumjua. Ésaïe chapitre 43 verset 10. Isaïe 45, verset 22. Nous allons lire rapidement. Sois en train de lire dans ma Bible pour gagner le temps par rapport à la technique. Ésaïe 43, verset 10. Isaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Nini ni washuhuda wangu, Bwana amesema. Vous et mon peuple que j'ai choisi. Nini ni watu wangu ambaye nilichagulia mwenyewe. Afin que vous le sachiez. Mupate kujua. Que vous me croyez. Na kuniamini. Comprenez que c'est moi. Na kufahamu ya kuwa ni mimi ndiye. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Mbele yangu kukuumba Mungu mwingine. Et après moi, il n'en aura point. Na wala nyuma yangu hakutakuya mwingine. C'est moi qui suis l'Éternel. Ni mimi, mimi ni Bwana. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Na pasipo mimi, hakuna tena mwokozi mwingine. C'est moi qui annonce, sauvé, prédit. Ni mimi nilitangaza na kusema. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Haina katikati yenu Mungu mugeni. Je le suis dès le commencement. Nilikuwa tangia mwanzo. Et nul ne délivre de ma main. Na yote hakuna kitu anayekuwa katika mikono yangu. J'agirai, qui s'y opposera? Nitatenda nani atapizana nami? Alléluia. Amen. Voilà, Dieu veut qu'on le connaisse. Mungu anapenda tumjue. Bien aimé, chaque fois que tu marcheras avec Dieu, wapenda kila mara utatembea pamoja naye. Chaque fois que tu vas te donner au Seigneur, kila mara utajipana kwake. Dieu va prendre le temps de se révéler à toi. Mungu atakamata muda akufunulie. Même quand tu auras des problèmes. Hata wakati utaweza kutatizwa. L'objectif de Dieu, même quand quelqu'un a des problèmes. Hata kama mtu anakuwa na matatizo. C'est que qui comprennent que non, Dieu est là. Ya maana nielewe kama Mungu yuko. Que je suis avec Dieu. Na niko pamoja naye. Bien aimé, nous allons parler, souvenez-vous de Job, on va en parler. Penta sungumzia na kumbukeni kwa usu Ayubu. Il avait des problèmes. Alikuwa na mambo mingi. Et puis il a compris. Kisha alielewa. Non, mes oreilles avaient entendu. Kama masikio yangu lisikia kwa ajili yake. Mais maintenant, sasa hivi, je te vois. Mimi nakuona. Quand quelqu'un a des problèmes, je veux t'encourager dans ta foi. Kutilia kiasi katika imani yako. Quel que soit le problème, ingawa aina ya magumu yako, Dieu cherche à se faire connaître. Mungu anapenda jitambulishe kwako. Parce que quand tu le connais, wakati utamjua, ta vie sera transformée. Maisha yako yatabadilika. La vie n'est pas transformée parce qu'on possède des choses. Maisha yatabadilika sababu unakuwa na vitu. La vie n'est pas transformée parce qu'on manque des choses. Maisha yatabadilika sababu unakosa na vitu. Mais la vie est transformée. Maisha inabadilika parce que quelqu'un connaît. Sababu mtu mmoja anamfahamia Bwana. Alléluia. Amen. À travers la création, on connaît Dieu. Kupitia umbile, mufamie Mungu. On peut connaître Dieu aussi à travers la révélation. Unaweza kumfahamia tena Mungu kupitia mafunulo. Dieu se révèle toujours. Mungu anajifunula kila wakati. Pour ne pas aller loin, je prends les textes qui concernent, qui nous ont introduits dans notre thème de l'année. Daniel, chapitre 10, verset 1. Tukom kitabu ya Daniel, et verset 14. Na mustari wa 10 na 4. Vous allez comprendre que notre thème de l'année est une révélation. Mutelewa kama kishini yetu ya mwaka inakuwa ni ufunulo. La Bible nous dit que la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Donc Daniel ne connaissait pas. Daniel a kujua kitu. Mais Dieu est venu se révéler à lui. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Dieu vient se révéler à toi. Ce n'est pas seulement dans des choses spirituelles. La révélation de Dieu ne concerne pas les choses spirituelles seulement. Cyrus, ici, c'est un roi païen. La révélation de Dieu concerne la vie de l'homme. Dieu peut te révéler pendant ce temps. Ne fais pas tel business, mais fais cela. Pendant ce temps, ne prie pas pour ça, mais prie pour ça. Pendant ce temps, ne voyage pas là-bas, mais voyage là. Mais la révélation nous permet de connaître le Seigneur. Il y a plusieurs personnes, on le verra, qui ont connu Dieu par révélation. Si Dieu n'était pas venu vers eux, ils n'auraient jamais connu le Seigneur. Alléluia. Amen. Quatrième point. Je donne d'abord les bases. Il faut qu'on se comprenne. C'est le début du thème. Je voulais parler de la priorité de la connaissance. De la priorité de connaître Dieu. Bien-aimé, dans notre vie, que ce soit une priorité de connaître Dieu. Fais de la connaissance de Dieu une priorité pour ta vie. Vous savez, quand tu connais le Seigneur, même tes prières changent. Amen. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, kama mtu amjue Bwana, tu peux passer beaucoup de temps, tu pries pour tes business. Alors que le problème n'est pas lié au blocage dans tes business. Mambo haina tu mifungo kuma biashara yako. Le problème est peut-être lié au nom que tu portes. Mambo ni kufatana bitu bile unabeba. Donc la priorité de connaître Dieu doit être une priorité pour nous. Alors je donne quatre choses. Pourquoi c'est une priorité pour nous? Premièrement, c'est le sommet du privilège d'un enfant de Dieu. C'est un privilège de connaître Dieu. Frère, connaître son père, c'est un privilège. Connaître le roi avec qui tu es, c'est un privilège. Tu ne feras pas des choses gauches. Tu feras correctement les choses. Connaître son mari, sa femme, ses enfants, c'est un privilège. Quelqu'un peut s'asseoir. Mais il y a des gens comme ça. Tu t'assois. Tout d'un coup, l'enfant t'amène. Il dit non, quand papa est dans ces conditions, mina mureta moko na kalanga na munkoyo. Kwa gafla tu mutoto mutambua ana kuleta vile unapendaka. C'est pas beaucoup de choses. Haina vitu ya bei kabisa. Il touche le cœur. Akini anagusa moyo. Il connaît. Anajua. Que dans ces cas-ci. Ya kama kwa hii wakati ni munkoyo va résoudre le problème. Il a besoin de bora de munkoyo. Mais toi tu penses qu'il faut des caviar, il faut des viandes. Non, kama non. Kama zanese nilete nyama na vitu gani hapana. Il connaît. Huyu mtoto anajua vizuri. Quand son mari se réveille. Wakati mume wake anaamka. Il connaît. Anajua. Quand sa femme, il connaît. Wakati mke wake tena anajua. Frères et sœurs. Ndugu na dada. C'est une priorité, un privilège de connaître. Inakuwa ni tangilisho la mafaida kwetu. Jérémie chapitre 9. Yeremia sura yake ya kenda verset 23 à 24 on nous prépare psaume 4 6 à 7. Tu t'achètes na psaume 4 6 à 7. Jérémie chapitre 9 verset 23 à 24. Jérémie, tu m'étabu ya Yeremia. Ainsi parle l'Éternel. Basi wa milele amesema hivi. Que le sage mwenye hekima ne se glorifie pas de sa sagesse. Asijitukuze kwa hekima yake. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître. Acclame d'abord pour le Seigneur. Bien aimé, les gens pensent qu'il faut de la richesse, il faut de la sagesse. Il faut bien chanter, il faut bien prêcher. Non, Dieu dit que celui qui se glorifie se glorifie de me connaître. Combien de gens connaissent Dieu? Depuis que j'ai cru au Seigneur, est-ce que je peux me dire que je connais Dieu? Ce que Dieu veut maintenant là, si je vis, c'est parce que je sais ce que Dieu veut pour moi. Il y a eu beaucoup d'enseignements. On a eu beaucoup de bagages. Il y a eu beaucoup de bagages. Que celui qui se glorifie, se glorifie Ajitukuze de connaître Dieu. Kwa kumjua Mungu. Parce que Dieu sait. Sababu yeye Mungu anajua. Quand tu le connais. Wakati unamjua. Il y a même des choses. Kuko vitu vingine. Peut-être que tu vas même pas demander. Maringine utabiomba tena. Tu sais que ces choses m'appartiennent. Na sasa hivi vitu ni vyangu mimi. Alléluia. Amen. Vous savez, dans nos églises, on a fabriqué plus d'hypocrites que de vrais chrétiens. Mu makanisa tulifanya watu walikuwa wanafiki wengi kabisa kushinja kwa Kristo. Parce qu'on a voulu court-circuiter. Comme on ne connaît pas Dieu, on met des lois. Vile Mungu habamujue, banaweka kwa sheria mbalimbali. Usivae les pantalons. Ne porte pas les pantalons. Usivae que perruque. Ne porte pas les perruques. Voilà qui t'emballe. Porte toujours le foulard à la tête. Fais ceci. Fanya hivi. On a mis tellement de lois. Banaweka mipango mbalimbali. Pour créer des court-circuits. Dieu ya kuweza kuvurusha mtu. Croyant que ça va nous amener à connaître Dieu. Psaume 4, versets 6 à 7. Psaume 4, versets 6 à 7. Offrez des sacrifices de justice. Mutoweni masadaka ya uhaki. Et confiez-vous à l'Éternel. Na mujitowe katika Bwana. Même pour offrir. Hata kwa kuweza kutoa. Il faut connaître Dieu. Kwanza ni kumfahamia Mungu. Les gens qui connaissent Dieu n'offrent pas comme tout le monde. Watu wenye kumjua Mungu watowake kama watu wote. Il prépare son offrande. Kwanza atayarisha sadaka yake. Il sait pourquoi il offre pour Dieu. Anayua anatoa. Il prépare son action de grâce. Il sait pourquoi il le fait pour Dieu. Il prépare son vœu. Il sait pourquoi il le fait. Il prépare ses sacrifices. Il sait pourquoi il le fait. Frères et sœurs, nous menons une vie par hasard. C'est par hasard que tu es béni. Non, bien-aimé. 2026. Connais l'Éternel. Basi mujue Bwana. Connaissons l'Éternel. Tumujue wa milele. Cette église va changer. Kanisa itabadilika. Ta vie va changer. Maisha yako itabadilika. Ta maison va changer. Nyumba yako itabadilika. Tu seras transformé. Utabadilishwa kabisa. Si tu connais l'Éternel. Kama tu unamfahamia huyu Bwana. Alléluia. Amen. Deuxième priorité. Basi tangulisho tu ya pili. Connaître Dieu. Kumjua Mungu, c'est le cœur de l'alliance avec ni Dieu. Moyo ya agano pamoja na. Non, le cœur c'est le centre. Ah, ni katikati ya agano pamoja na. J'écrivais vite. C'est le cœur, donc c'est le centre. Ni katikati ya agano de l'alliance ya agano avec Dieu. Pamoja na Mungu. Jérémie 31, 33 à 34. Jérémie 31, 33 à 34. Connaître Dieu, il faut mettre c'est le centre. J'ai dit c'est le cœur, c'est le centre. Nasema njo katikati chanzo. Cœur. Mule ndani kabisa ndani ndani. OK, Jérémie 31. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je les crierai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Et celui-là son frère. En disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc Dieu dit, pour l'alliance, que les gens me connaissent et je me révèle du plus petit au plus grand. Et quand quelqu'un me connaît, quand vous me connaissez, celui-ci ne va pas dire à son frère, fais ça. Non. Tous me connaîtront. Et il ajoute, je pardonnerai leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Il y a des choses que nous faisons dans la vie simplement parce que nous ne connaissons pas Dieu. Il y a des péchés, tu continueras à les faire. Si tu ne connais pas Dieu, mais si tu connais Dieu, ça, c'est que Mungu. Il y a des choses qui vont tomber d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui tomberont d'elles-mêmes. C'est comme ça qu'il dit que non, personne n'enseignera à son frère. Tous me connaîtront. Connaître le Seigneur. Connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle. Quand dit la vie éternelle, c'est quoi? Oh non, c'est recevoir le Seigneur. Non. Jésus dit dans Jean 17, yes, c'est quoi? Or, la vie éternelle, c'est quoi? Nini, ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu, Mungu et celui que tu as envoyé. Na ule ule kumutuma. La vie éternelle. Mettez un peu Jean 17, verset 3. Uzima wa milele. Jean 17, verset 3. Uzima wa milele. Connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul Dieu, wewe Mungu wa kweli, et celui que tu as envoyé, na ule uliye mutuma, Jésus-Christ. Yesu Christo. La vie éternelle, manake uzima wa milele, c'est connaître Dieu. Ni kumujua Mungu. Alléluia. Amen. La vie éternelle, uzima wa ce n'est pas venir à l'église, haina kuguya kanisa, ce n'est pas prier, haina kuomba, ce n'est pas prophétiser, haina kutabiri, ce n'est pas santé, haina kuimba. La vie éternelle, uzima wa milele, c'est connaître Dieu. Ni kumujua Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Connaître Dieu, kumujua Mungu, c'est ça la vie éternelle. Injo uzima wa milele. Il y a un verset que j'aimais beaucoup depuis ma conversion. Kuna kuyo mstari mwenye nipenda tangeneza kwa mini. Quand on nous avait baptisé, wakati tuliweza kubatizwa. J'aimais beaucoup ce verset. Kwa napenda kistari hiki zaidi. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura yake ya 3, verset 1 à 2. Shele kya kwanza hodi ya pili. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 2. 1 Jean 3, 1 à 2. Dans notre église à l'époque, la Trinité, j'aimais beaucoup ce verset. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Ça c'est clair, c'est l'amour de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qui n'a pas connu Dieu. Le verset 2. C'est le verset que j'aimais le plus. Bien-aimé, Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Dieu tel que Dieu est. Même si aujourd'hui je ne le vois pas encore, mais j'ai cette espérance que je verrai Dieu. On verra Dieu un jour. On verra Dieu un jour. La vie ne se limite pas sur la terre. Un jour on verra Dieu. Un jour tu verras Dieu. Même si nous combattons l'esprit des morts, c'est la mort qui n'est pas dans le plan de Dieu. Mais si la mort intervient, je dois savoir que je verrai Dieu. La mort peut venir de n'importe où, de n'importe quand. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui sont morts à la chair. Ma pasteur n'est pas du coup foi ou que Dieu y a mis mal. Mais je prie le Seigneur que ça n'arrive pas. Naomba basse na mi signifie pas. Mais c'est que la mort peut venir de n'importe où. Na il n'est pas fiqué à manger à yoyote. Mais quand nous n'aurons plus de chair, kama tokotene na mwili, nous verrons Dieu. Tutamuona Mungu. Alléluia. Amen. C'est ce que Job dit. Ni gisi Ayubu anasema. Quand on n'aura pas de chair, wakati tokana hii mwili tena, on verra Dieu. Tout à mon amour. Et il ajoute, anongeza que mes yeux macho yangu le verront. Itamuona. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Haina macho ya mtu mwingine. Quand cela sera manifesté, wakati itajulikana, nous le verrons. Akika tamuona. Nous serons semblables. Tutasawanishwa pamoja naye. Nous serons tel qu'il est. Tutakuwa gisi yeye eko. Bien-aimé, on ne peut pas servir le Seigneur. Mpendo atapenda kumtumikia Bwana. Oublier, il y a un rendez-vous. Na kusababu kama kuna kwa mapatano moja fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la bénédiction n'est pas seulement porter les habits. Baraka haina tu kuvala mavazi. On voit Dieu sans habits. Tunamwona kama Mungu hata bila mavazi. Parce que Job dit, Ayubu anasema, quand je n'aurai pas de chair, wakati sakuwa na mwili, ton corps ce n'est pas toi. Mwili yako haina wewe. Ton corps, mwili yako, ce n'est pas toi. Haina njoo wewe. Ton corps, mwili yako, c'est seulement une maison. Ni chumba tu. Que toi tu as emprunté pour vivre là-dedans. Ile wewe uliweza kuongola na unaishi mule ndani. Prends soin de toi. Shulikia juu yako. Ton corps n'est pas toi. Mwili yako si wewe. C'est une maison. Inakuwa tu ni chumba. Que toi tu as emprunté. Ile wewe uliweza kudai. Parce que le vrai toi. Ule kweli yako. Ce n'est pas ton corps. Haina njoo mwili yako. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Connaître Dieu. Kumjua Mungu. C'est le moteur de la sanctification. Njoo chanzo ya kujitakasa. Plusieurs na watu wengi ne marchent pas dans la sanctification. Abatembee katika utakaso. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Sababu bado hawajamjua Mungu. Toute désobéissance. Kuto kuamini kokote. Toute désobéissance. Kuto kuti kokote. C'est un péché. Inakuwa tu ni dhambi. Les 10 commandements restent encore valables. Maamuri yote 10 inabakia sawa sawa. Rien n'est aboli. Hakuna kile kinaondoshwa. Connaître Dieu c'est le moteur de la sanctification. Kumjua Mungu ndio chanzo ya utakaso. Parce que nous sommes dans 1 Jean 3, prenez le verset 5 et 6. Tukomo 1 Jean 3 5 et 6. Et vous devez prendre 1 Jean 4 7 et 8. Kisha tengia Yohana kwanza 4 7 et 8. Et puis nous allons parler de Job dans Job 42. Kisha tusungumzia kitabu ya Ayubu 10:42. Le résumé de ce que je viens de dire, je ne vais pas dire beaucoup de choses aujourd'hui. 1 Jean 3, 5 à 6. 1 Jean 3, 5 à 6. 5 à 6. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pèche pas. Attendi tena. Quiconque pèche uliyote anafanya dhambi ne l'a pas vu, maana yake hakumuona, ne l'a pas na tena dita pe ne l'a pas connu, hakumjua tena. Donc la priorité c'est connaître Dieu, mes frères. Maana yake utangulisho yote kwanza ni kumjua Mungu. 1 Jean 4 7 à 8. 1 Jean 4 7 à 8. La priorité de connaître Dieu. 1 Jean 4, 7 à 8. Juste le chapitre qui suit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Sababu upendo ni wa kwa Mungu. Et quiconque aime. Na yoyote anapenda. C'est quand même drôle ce verset. Ah, mustari ya, ya mambo. On dit que quiconque aime. Yoyote anapenda. Il fait quoi? Anafanya il est nini? De Dieu. En fait, kwa Mungu. C'est parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, na kama upende mutu, tu es des attentes. Unatoka ngambo ingine. Wewe una mtoto ya Mungu. Donc quiconque aime, yoyote anapenda. Est né de Dieu. Anazalika kupande wa Mungu. Et il fait quoi? Connaît Dieu. Na anamjua Mungu. Tu veux pas dire que tu connais Dieu. Au utasema kama unamjua Mungu. Et tu es ton frère. Na unachukia ndugu yako. Devant celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Ule anachukia ndugu yake anakuwa muuaji. Et vous savez na mnajua que les meurtriers wauaji n'hériteront pas du royaume de Dieu. Awatariti ufalme wa mbinguni. Nous sommes en début d'année. Tuko kumwanzo ya mwaka. J'ai voulu démarrer l'année en posant vraiment des bases. Nilipenda kuanza mwaka mpya kwa kuweka misingi mbalimbali. Souvent nous disons que les sorciers ne verront pas Dieu. Mara mingi tunasema kwamba balozi hawatamwonaka Mungu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Sababu hawamjui Mungu. Mais il y a des gens qui viennent aussi dans des églises. Koko bengine tebe kunaishi makanisa. Nous sommes des meurtriers. Akini tuko wa uaji. Alléluia. Amen. Donc je comprends qu'on ne tue pas seulement avec. Aba uwake tu paka na sila, apana. Je vais revenir sur cette pensée. Tarudia tena juu ya wazo hiyo. Au dernier point que je vais donner. Kunukutia mwisho nitaleta. Sur les étapes de la connaissance de Dieu. Juu ya matua mbalimbali ya ufahamu wa Mungu. Parce que Dieu lit même nos pensées. Taba Mungu anasomaka hata mawazo yetu. Donc si tu es ton frère. Kama ukichukia tu ndugu yako. Tu es un meurtrier. Manayake uko muuaji. Pendant que le Saint-Esprit donne des paroles comme ça. Wakati Roho Mtakatifu anasema misemo ya hivyo. N'attends pas qu'on te demande non repentance. Hapana kuchunga kwa mse utubu kwanza. Tu tubu. Repentons-nous. Et tu prends une décision. Na unakamata mupango mmoja. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à libérer leur cœur de certaines choses. Watu wengi leo wana matatizo sababu wanashinda kufungua mioyo yao na vitu mbalimbali. C'est pas le diable. Haina mambo ya shetani. Quand quelqu'un connaît Dieu. Wakati mtu anamjua Mungu. Le malin ne le touche pas. Ole haitampata. Quand quelqu'un est enfant de Dieu. Wakati mtu anakuwa mtoto ya Mungu. Il a le pouvoir. Anakuwa na uwezo. De devenir Yakuya, enfant mutoto de Dieu, ya Mungu, lequel est né ulana, anazalika, non de la volonté apana kwa mapenzi ya damu ni de la chair, wala ya mwili, mais de la volonté lakini kwa mapenzi de Dieu, ya Mungu mwenyewe. Libérons nos cœurs. Tufungule mioyo yetu. Nous venons de commencer un nouveau chemin. La route est longue. Tunaanza safari mpya, njia iko mrefu. Même si quelqu'un t'a fait du mal. Ataka mtu alikukoseyaka, alikumizaka. Je dis toujours aux gens. Naambiaka watu mara mingi. Quand quelqu'un m'a fait du mal. Kama mtu alinikosea, alinyumiza. Quand quelqu'un t'a fait du mal, il a jamais oublié. Kama mtu anakuumiza, maana yake acha kusahau. Mais toi tu gardes le mal. Wewe unachunga ile mubaya ndani yako. Qui souffre? Ule unateseka pale ni nani? C'est lui qui m'a fait du mal, qui souffre, c'est moi qui souffre. Il y a même des gens qui n'ont pas encore pardonné, même à ceux qui sont déjà morts. Oui, j'ai vu quelqu'un comme ça. Non, papa. Même là où il est parti à l'au-delà. Mais tu veux quoi? Il est déjà parti. Vous savez, aujourd'hui, si les morts reviennent à la vie, ils seront étonnés de voir que la vie continue. Pardonne. Vous avez tellement lié les gens dans vos cœurs. Et les amis entre guillemets, au lieu de dire, il t'a fait du mal, pardonne-lui, aime-le, et avance. Ta vie est plus précieuse que le mal qui t'a fait. Dieu va nous faire. C'est comme ça qu'il t'a fait. Les gens de ce monde, en tout cas, ils sont très mauvais. Dieu va t'aider. Tu es sorcière. Parle, ou comme l'osi. Tu ne veux pas libérer l'autre. Au pende kufungula mwingine. Frère, libère. Fungula ndoko. Tosha bantu mro. Tosha bantu mro. Ce que j'ai appris. Ili niweza kujifunza. Ce que je constate. Ili niweza kuona. Que le mal. Ya kama mabaya. Aussi vient de Dieu. Na yu natoka tena kupanda wa Mungu. J'ai constaté que ce que nous appelons mal, ça vient aussi de Dieu. Si Dieu permet que l'ennemi te griffe, en fait, c'est l'appellation. Toi, tu appelles mal. L'ennemi appelle mal. Mais Dieu, il met ça dans son plan pour ta destinée. Combien de gens qu'on a cru tuer, mais c'était pour leur destinée. Joseph dans la citerne, Yusuf katika mbirika, il a tellement pleuré alilia kabisa, que ses frères ya kama bandugu yake, lui voulaient du mal, bali mutendia mabaya. Mais ce n'était pas le mal qu'il voulait. Lakini haina mabaya ili bali mutendia. Dieu a permis, yeye Mungu aliruhusu, qu'on le mette là, bamuingize mule, pour qu'il attende le bon acheteur, ili achunge ule atamununua vizuri, qui allait l'acheter, ule alipaswa kumununua, et l'amener dans sa destinée. Na kumupeleka tena ifikio yake. Je vais encourager quelqu'un. Oh, le mal qu'on te fait, yeye mabaya banakufanyia, sois tranquille. Tulia ça tu. Fait partie du plan de Dieu. Il y a katika njia matengenezo ya Mungu. Pour ta destinée. Wa ya kifikio yako. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit dans Jérémie 29. Wakati Mungu anasema katika Yeremia 29. Verset 11. Shahili yake ya 11. Je connais les projets. Na yua matengenezo. Que j'ai pour vous. Ile nilifanya kwa ajili yako. Projet de paix. Matengenezo ya salama. Et non de malheur. Aina ya ole. Afin de vous donner. Ile kuyopatia. Un avenir. Ujio moya. Et de l'espérance. Na tumaini tena. Je connais les projets. Ye Mungu anayua matengenezo. Projet là, tu dois me donner un avenir et de l'espérance. Mais Dieu ne me dit pas que tu vas passer par le panier. Tu vas passer là-bas. Dans la vision, Dieu montre seulement que le soleil et la lune et les étoiles se prosternent devant Joseph. Mais Dieu ne lui dit pas que, attention, première étape, citerne. Deuxième étape, on te vend prisonnier, Besançon, panettier, et après tu arrives là. Utafika. Dieu lui cache ses choses. Dieu lui révèle la fin. Mungu et quand ça arrive, wakati nafika sasa, il dit que non, le mal vient du diable. Anasema, est-ce que ce mal est venu du diable? Ile mabaya inatoka kwa shetani. Comme il y a aussi des gens qui ne comprennent pas le plan de Dieu. Ruben, son frère, Ruben, ndugu yake, il pense que Arionesse, il est bon, il aime son frère. Il dit non, non. Je pars le prendre pour le retourner à son père. Frère, tu déranges la vision. Laisse-le avec Dieu. Le retourner chez son père, ce n'était pas la destinée de Dieu. La destinée de Dieu, il devait être vendu. Je dis à quelqu'un ce matin, même le mal qui t'arrive, c'est dans le plan de Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu resteras ferme et tu agiras. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur l'explication du thème. Tarudia tena kumafasirio ya kishina. Le thème, on va arranger ces histoires après. Le thème commence badai. Par « mais ». Il n'a dit que kama ».« Mais ». Kama. Ceux du peuple connaîtront leur Dieu. Bale bantu atamutambua wao Mungu. Mais est une opposition. Inakuwa ni upinzano. Il y avait un roi. Kulikuwa mfalme mmoja. Qui a gagné tout le monde par des flatteries. Alibamba bantu bote kupitia udanganyifu wake. Qui a séduit tout le monde. Alivuta watu wote. Même si tout le monde pourra être séduit. Ata bantu bote wanaweza kuvutwa. Même si le mal peut toucher tout le monde. Ata mabani zogusa mtu yeyote. Mais celui qui connaît Dieu. Oh, ule mwenye kujua Mungu. Il sait ce que Dieu fera. Anajua nini Mungu fanya kwake. Alléluia. Amen. OK, c'est le premier jour, je me suis dit n'est pas trop pressé. Il est kwanja à essayer d'enseigner. Na pima pour poser les bases. Il mbali mbali. Alors, comme que j'ai dit, j'essaie d'enseigner poser les bases, mais on va prier quand même. Hapa tutaweka kufunza kidogo na kuweka misingi tukisha tomba. La dernière point, j'ai voulu donner. Donc ta karibu ya mwisho. Mettez-moi la figure là. Mtuweke picha ile. Mettez toute la figure. Muoneshe picha yote. Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai appelé cette figure. Naita picha hiyo, le pentagone de la connaissance de Dieu. Et picha ya ufahamu wa Mungu. Bon, vous allez m'excuser, je n'avais pas trouvé un autre bon. Ah, c'est kupata ufasirio ingine. Un pentagone, c'est j'explique. Naita kufasiria kidogo. Grâce. OK, un pentagone c'est quoi? C'est une voilà, papa, mon bébé. Pentagone, manaki, inakuwa ni uso moja. Inakuwa na mabipande. Dites-moi autrement pour qu'on explique. Inakuwa na bipande. C'est une figure à cinq côtés. Inakuwa na bipande tano. Et donc cinq sommets. Inakuwa tena manchongo tano. C'est ce qu'on appelle pentagone. Joto naita pentagone. Ainele ma pantalon vanza kuvoa la bien acheza na. Ce n'est pas ça qu'on portait là et s'amuse avec ça non plus. Un pentagone, c'est une figure de cinq côtés. Mais qui est sur les quatre bipandes? Tano. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a quoi bipandes? Tano. Et cinq sommets. Il y a quoi tena nama? Chanzo ou la moanzo? Tano. Notre thème de l'année. Basi shina yetu ya mwaka. C'est la connaissance de Dieu. Ni ufahamu ya Mungu. Je donne le résumé. Na leta kifungo. Comme je dis que c'est le premier dimanche, le premier jour du thème en fait. Yesu mtanguli alisema kama ni siku ya kwanza ya juma ya mwaka. Retiens ça. Basi uishike moyoni mwako. Commence à prier sur base de na anza kuombea kwa ajili ya ile. La connaissance de Dieu. Ufahamu wake Mungu. Ceux du peuple connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ile taifa itamfahamia Mungu watatenda na kikisho yote. Mais ce n'est pas ça le début. Ile ndio haina mwanzo. Vous voyez, c'est le deuxième sommet, on pouvait même mettre le point de. Je ne sais pas si la technique peut réussir. 1, 2, 3, 4, 5. Batuwekeye matua mbalimbali yote ya kwanza ya pili ya tatu na ine ya tano. OK, on va corriger. Tutatengeneza baadaye. Mais la connaissance de Dieu. Sasa ufahamu wake Mungu. Vient avec la révélation de Dieu. Inakuwa na ufunulo wake Mungu. Je pense qu'il y a eu une erreur. C'est la révélation. Inakuwa tu ni ufunulo. C'est ça le sommet, c'est la révélation. Ile ndio inakuya yuru ya yote ni ufunulo. De ce côté, il y a la révélation de Dieu. Et de l'autre côté, il y a la révélation de la destinée. C'est ce que j'ai envoyé, mais je crois que je n'ai pas regardé ce matin quand on l'a fait. Donc, la révélation, c'est le premier sommet. Il y a la révélation de Dieu. Et la révélation de la destinée. Maintenant, ça veut dire que la connaissance de Dieu vient par la révélation. Tu laisses mon foie, mon mungu, notre coup funulo. La révélation peut venir de Dieu lui-même. Funulo, notre pays, notre coup ngambo ya mungu mnyewe. La révélation peut venir de la nature. Il nous a coupé notre coup umbile. La révélation peut venir de temps de prière que tu passes avec le Seigneur. Nous avons coupé notre coup. Akati na pitisha mbele ya maombi mbele ya mungu. La révélation c'est le point de départ. Na funulo, Dieu nous coupe chance ya mambo yote. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la révélation? Nini na pita kana pamoja na funulo. Exode chapitre 33 verset. Comme kitabu ya kutoka makumi tatu na tatu shaili ya kusoma makumi tatu. Pendant que la technique nous arrange, il n'y a pas de souci. Je vais lire Exode 33 verset 13. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Kitabu ya Kutoka, kitabu ya pili ya Biblia. Exode 33 verset 13. Tuko kitabu ya Kutoka sura ya 33 mstari wa 33. Musa anasema, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Basi sasa nikipata neema mbele ya macho yako. Fais-moi connaître tes voies. Unijulishe basi manjia yako. Donc il demande à Dieu. Anamuomba Mungu. Fais-moi connaître tes voies. Unionyeshe manjia yako. Donc la connaissance vient de la révélation de Dieu. Maana yake ufahamu inatoka ufahamu yako Mungu. Inatokea kungagwa ya Mungu. Alors je te connaîtrai. Basi mimi nitakujua. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Na tapata tena neema mbele ya macho yako. Donc ça fait une sorte de boucle. Inaonekana kana kitu kinakuwa kinazunguluka tu. Quand tu connais Dieu. Wakati unamjua Mungu. Tu ne peux que le connaître davantage. Utamujua tena mingi zaidi. Et quand tu connais davantage Dieu. Na kumjua tena mingi zaidi huyu Mungu. Tu vas vivre davantage de miracles. Utaishi tena miujiza mingi. Et chaque miracle que tu verras. Na kila muujiza utaishi. Va t'amener à connaître Dieu. Itakupeleka tena upate kumfahamia Mungu. Sa connaissance de Dieu. Ile ufahamu ya Mungu. Va t'amener au miracle. Itakupeleka tena kumuujiza. Donc finalement la priorité de notre vie. Sasa tangulisho ya mambo yote. C'est de connaître Dieu. Ni kumjua tu Mungu. Ça commence avec la révélation. La révélation de Dieu. Mettez la figure comme ça, j'explique, vous allez corriger après. Le deuxième sommet, c'est la connaissance. Quand Dieu nous donne sa révélation, nous commençons à le connaître. Mettez la connaissance. Nous commençons à le connaître. La connaissance de Dieu. Ufahamu wake Mungu. J'ai dit au début. Nilisema tangia mwanzo. Quand quelqu'un connaît Dieu. Wakati mtu anamjua Mungu. Sa vie est transformée. Maisha yake yanabadilika. Il y a des choses que tu feras. Buko vitu vile utafanya. Seulement si tu connais Dieu. Ni paka tu unamjua Mungu. J'ai mis le texte de Galates chapitre 1 verset 15 à 17. Ndio katana usomi wa Galati. Ok, laissez la figure ici. Atia, mettez un peu Galates 1, 15 à 17 sur les écrans. Weka kuma pembeni huku. Galates chapitre 1. Galatia sura ya kwanza. Verset 15 à 17. J'ai aimé ce que Paul a dit. Nilipenda kabisa kusema kwa Paulo. Écoutez. Sikieni sasa. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Wakati nilimpendeza ule alinyweka ndani ya tumbo la mama yangu. Il m'a mis à part dès le sein de ma mère. Akaniweka pembeni tangia tumbo ya mama yangu. Et qui m'a appelé par sa grâce. Na alinita kupitia neema yake. Verset suivant. Kistari fatayo. De révéler en moi son fils. Ya kufunulia ndani yangu mwanaye afin que je l'annonce parmi les païens. Ili ni mutangaze katikati ya wapagano. Aussitôt. Badaye tena. Je n'ai consulté ni la chair. Sikuweza kutazamia wala mwili ni le sang. Wala damu. Ça c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Huyu ni mtu anamjua Mungu vizuri. Quand il a eu la révélation de Dieu. Paulo kisa kupata ufunulo wake Mungu. Quand il a connu Dieu. Wakati alimjua Mungu. Il n'a consulté ni la chair. Akuweza kuangalia hata mwili. Ni le sang. Wala damu. Dieu lui a parlé. Mungu alimzungumzia tu. Il a dit à Dieu dans Acts chapitre 9. Alimwambia Mungu katika tendo sura ya 9. Qu'est-ce que je dois faire? Basi nifanye nini? Dieu lui dit entre dans la ville. Mungu anamwambia ingia katika kijiji. Et on te dira ce que tu vas. Na batakwambia ni nini utafanya. Donc quand tu as la connaissance de Dieu. Wakati unakuwa na ufahamu yake Mungu. Il y a un mouvement qui vient. Huko tendo moja iko nakuja. Une action qui vient. Huko tendo moja itafika. Dans la connaissance de Dieu. Katika ufahamu wake Mungu. Pousse l'homme à agir. Yuko nasukuma mtu apate kutenda. Tu ne peux pas connaître Dieu. Hautaweza kumfahamia Mungu. Et rester sans agir dans la vie. Na kubakia bila kutenda maisha. Quand vous voyez quelqu'un. Wakati ukiona mtu. Il faut le pousser pour venir chanter. Afadhali kumsukuma njoo apate kuimba. Le pousser pour venir à l'église. Msukuma njoo kanisa. Le pousser pour prier. Msukuma njoo apate kuomba. Le pousser pour lire la Bible. Msukuma njoo asome Biblia. Changer de prière. Mubadilishe hali ya maombi. Prier pour lui pour qu'il connaisse Dieu. Muombe sasa Mungu apate kumfahamia vizuri. Alléluia. Amen. Apana mimi kuna imani. Mwanje la foi. Mais connaissons Dieu. Ah kwanja tumjue Mungu. Quand quelqu'un connaît Dieu. Kama mtu akimjua Mungu vizuri. il y a un mouvement qui se fait. Il commence à agir. Pale ananja kutenda. Il commence à agir. Pale ananja kutenda. Il y a un mouvement. Kuko tendo moyo. Il fait des actions dans la vie. Atafanya matendo mbalimbali maisha. Parce qu'il connaît Dieu. Sababu anamjua Mungu. La différence dans le service. Donc atanisho makazi mbalimbali. La différence en tant qu'enfant de Dieu. Atanisho katikati ya watoto ya Mungu. Vient de la différence de la connaissance. Iko natokea kumbalimbali ya kumjua nayo Mungu. Même la différence dans la prière. Quelqu'un il se réveille la nuit. Mais il se réveille le matin. An, kusoma, il a beaucoup de choses à faire. Kuna bitu mingi ya kufanya. Il connaît Dieu. Il sait que ici, c'est la source de ma vie. Alléluia. Amen. Il y a un mouvement qui se fait. Et le mouvement, na ile tendo, il le fait avec fermeté, avec assurance. Eko le fanya na hakikisho yote. Fermeté et détermination. Mane hakikisho na mpango wote. Ça c'est l'assurance dans la foi. Hakikisho yake ndani ya imani. Donc la révélation, mane kufunulo, la connaissance, ufahamu, il commence à agir. Ananja kutenda. Il a une assurance dans la foi. Sasa anakuwa na hakikisho katika matendo. Pas la foi qu'on a cru au Seigneur, non. La foi qui va maintenant commencer à produire. Imani sasa itaanza kutoa matunda. La foi qui va produire des choses. Imani ile itatoa vitu mbalimbali. Daniel chapitre 3 verset 14 à 18. Daniel 3 14 à 18. Daniel chapitre 3 verset 14 à 18. Yeye kwenye kibao. Daniel chapitre 3 verset 14. Daniel sura ya 3. C'est merveilleux. Vous allez voir. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit. Est-ce de propos délibérés? Shadrach, Meshach et Abednego. Na Abednego. Que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Kama mtumikie miungu yangu na muabudu isanamu ya zahabu niweza kusimamisha. Ça c'est le roi qui pose la question. Huyu ni mfalme kunauliza. Maintenant, tenez-vous prêt. Sasa muwe tayari. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette. Na pale mutasikia kulia kwa baragumu. Du chalumeau. Ya chalumeau. De la guitare. Ya zenze. De la sambuk. Hata ya zenze tena. Du psalterion. Hata ya vyombo yote ya musique. De la cornemuse. Hata ya zenze. Ça va tout cornemuse, il n'y a pas de souci. Au moins tout, à tout ce que na ville, il n'y a pas de souci. De la cornemuse. Ya cornemuse tena. Et de toutes sortes d'instruments. Na vyombo yote ya kuimba navyo. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Pale mtapiga magoti na mtabudu sanamu inaweza kutunga. Écoutez ce que le roi dit. Sikieni mfalme alisema. Si vous ne l'adorez pas. Kama hamuyabudu. Vous serez jeté à l'instant même. Mutatupwa pale pale. Au milieu de la fournaise ardente. Ndani ya tanuru ya moto. Et regardez la dernière phrase. Sasa muone misemo ya mwisho. Et quel est le Dieu? Sasa ni Mungu wa haina gani? Qui vous délivrera de ma main? Ula tamiotosha mikono yangu. Oh, je dis à quelqu'un. Nasema na mtu mmoja. Il y a un ennemi qui se tient devant toi. Hakuna anasimama mbele yako. Il y a un homme qui se tient devant toi. Kwa mtu anasimama mbele yako. Ça c'est ma prière. Hii ni ombi yangu ya leo. Il te dit dans ta vie. Nasema mtu maisha yako. Si tu ne fais pas ça. Kama ufanye hivyo. Tu vas voir. Utaona. Quel est le Dieu? Ni Mungu wa haina gani? Qui peut te délivrer? Ule atakuwa kutosha. De ma main. Umikono yangu. Frères et sœurs. Oh ndugu na dada. Laban. Pale. Laban. Labani a dit ça à Jacob. Alimwambia Yakobo hivyo. Il a suivi Jacob. Alimfuata Yakobo. Jacob. Yakobo. Ma main est puissante. Kono yangu ni ya uwezo. Pour te faire du mal. Ili kutendea mabaya. Il était riche. Alikuwa mtajiri. C'était son beau-père. Alikuwa ni mko yake. Il avait ses dieux. Alikuwa na miungu zake. Il dit à Laban. Anamwambia Labani. Ma main est puissante. Mkono yangu ni ya nguvu. Pour te faire du mal. Ili kutendea mabaya. Mais ton Dieu m'a dit, Mungu wako alinyambia, tu n'as pas droit de parler en mal contre Jacob, ni en bien ni en mal. Hawezi kusema mambo mabaya wala mazuri mbele ya Yakobo. Acclame d'abord pour le Seigneur. Piga kwanza mikono kwa ajili ya Bwana. Piga mikono, tuko na Mungu. Tuko na Mungu wa kweli. Et le roi dit, écoutez la réponse de Shadrach, Meshach. Sikieni kujibu kwa Shadrach, Meshach na Rafiki. Shadrach. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Bakamujibu mfalme Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Atuitajie kutukujibu. Regardez les gens qui connaissent. Muone bale bantu na mfanyia Mungu. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Atuitajie kukujibu maneno. Mettez-moi les versets suivants. Utoe kisila kistari fatayo. Voici Tazama notre Dieu. Wetu Mungu. Que nous servons. Ah, il faut connaître le Dieu que tu sers. Afazali kumjua Mungu ndio mtumikie. Frère, est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Kuna mjua Mungu ndio mtumikia. Il dit notre Dieu que nous servons. Asole Mungu wetu tunatumikia. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Anaweza kututosha mtanuri ya moto. Il ajoute. Anaongeza tena. Et il nous délivrera de ta main. Na yatatuokoa toka mikono yako e mfalme. Ça. Et il n'y a que quelqu'un qui connaît Dieu. Ipaka ule mtu anambiwa Mungu. Frère. Ndugu, il parle devant le roi Nebuchadnezzar. Eko nasema mbele ya mfalme Nebuchadnezzar. Rentrons un peu dans l'histoire. Turudie kwanja mwe wakati. Troisième secondaire, je pense, on a étudié les empires Mèdes et Perses. Tulijifunza hiyo ufalme wa Medi na wa Persi. C'est comme tu dis à Trump. Ni kama namwambia Trump leo. Je prends l'exemple parce qu'on connaît que c'est l'homme le plus puissant. Nasema sababu ni kwa kuwa uwezo leo. Monsieur le président. Namwambia rais wangu. Vie éternellement. Uishi milele. Je ne te réponds pas. Mais si takujibu. Mon Dieu. Uyu Mungu wangu. Que je sais. Ni unatumikia. Peut me délivrer de ta. Atanitosha mikono yako. Et ça tu lui dis. Ili kuna mwambia. Après qu'il ait pris le président du Venezuela. Kisha. Tu lui dis, mon Dieu peut me délivrer. Unaambia Mungu wangu atanitosha atanikokoa. Ta main. Mikono yako. Écoutez les versets qui suivent. Sikieni shahili ya fatayo. Mettez-moi les versets qui suivent. Sinon, sache au roi ou famille et mufalme que nous ne servirons pas tes dieux. Yakamato tumikia miungu yako. Et que nous n'adorons pas la statue d'or que na atutabudu isanamu ya dhahabu ulifanya. Dans ma version dit même si nous ne délivrons pas. Mustafa tiringa sema takama ulifungule. Nous n'allons pas t'adorer. Atuta kuabudu kamwe. Vous comprenez ce qu'il a dit. Ça. Il n'y a que quelqu'un qui connaisse Dieu. Je rentre à la figure. Donc, c'est la foi. Cette foi produit les miracles. On les a jetés dans la fournaise. Ils étaient à quatre. Ils sont devenus à quatre. Le feu ne les a pas atteints. Même les cheveux n'étaient pas brûlés. Même l'odeur. On est en train de donner des détails que naturellement qui sont impossibles. Daniel et ses amis dans la fournaise. Daniel ne va faire sept fois plus. Mulendani atanuru bari weka moto mara saba. Même l'odeur du feu. Ata arufu ya moto. Doko na dad. Même l'odeur de la souffrance. Ata arufu ya mateso. Ne sera pas sur ta vie. Aita kwa jua maisha yako. L'odeur du chômage. Arufu ya ulofwa. L'odeur du manque. Arufu ya ukosefu. Arufu ya ukosefu. Arufu ya umaskini. Ne sera pas sur ta vie. Haitakuwa juu ya maisha yako. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Résultat dans la vie, les miracles et les exploits. Matokeo ya maisha manake miujiza na maishara. Et quand tu as les miracles et les exploits, wakati unakuwa na miujiza na maishara, tu connais encore Dieu. Pale utamjua tena Mungu zaidi. Moi j'ai dit, tu as la révélation de ta destinée. Manake unakuwa na ufunulo ya c'est comme ça que Moïse a dit que je te connaisse encore afin que je te connaisse encore. Ni pale Moïse alisema nikujue na nikufamie zaidi sababu nikuzunguka tu fasi moja. C'est un cercle vertueux. Inakuwa ni un cercle vertueux. Iko nazunguka tu fasi moja. Vertueux. Ndio unazunguka fasi moja. Vertueux. Ya mzuri. Ya mzuri kabisa. Alléluia. Amen. Donc ça tourne. Hein? Ça produit des résultats. Voilà, j'ai voulu ça, ça me donne la synthèse de ce que nous allons enseigner. Gardez ça à l'esprit. À quel niveau se trouve la connaissance? Elle vient d'où? Elle produit quoi? Elle nous amène où? Vers la destinée. Est-ce que tu peux acclamer pour acclamer le Seigneur? Alors je donne le dernier point. Et on va prier. Donc je voulais poser les bases, la fondation, parce que les gens vont travailler chez les mamans, chez les jeunes, dans les départements et dans toutes les églises. Je voulais poser ces bases pour nous tous. Et comme je disais, le sous-thème que j'ai voulu, c'est la puissance de la connaissance de Dieu. Donc, un point, connaître la puissance de Dieu. Je prends comme texte de base Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens 3 20. Ceux qui sont la technique, soyez rapidement avec moi, rapide, on va clôturer. Okay, je vais lire Éphésiens. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est ça, c'est ça le verset. Et ça nous donne cette étape de la puissance de Dieu. Première étape. Il peut. Ça signifie. Il est vivant et vrai. Donc la puissance de Dieu, la première étape. Dieu peut. Mungu anaweza. Dieu est vivant. Mungu eko mzima. Celui qui peut, c'est qu'il vit. Mwenye anaweza manake eko naishi. S'il peut, c'est qu'il est vrai. Kama anaweza manake eko wa kweli. Deuxième étape. Atua ya pili. Faire. Kutenda. Donc, il peut faire. Anaweza kutenda. C'est-à-dire. Manayake. Il n'est pas inactif. Yeye aikaraki bila kutenda. Ou mort. Wala mwenye kufariki. Il n'est pas inactif. Ekalake bila kutenda. Ou mort. Wala mwenye kufariki. Ce que nous demandons. Ile tunaomba. Il entend nos prières. Eko nasikia maombi yetu. Il entend nos prières. Eko nasikia maombi yetu. Ce que nous pensons. Ile tuko na waza. Il lit nos pensées. Yeye kuna soma na mawazo yetu. Cinquièmement. Yatano. Tout ce que nous demandons ou pensons. Yote tukuna omba na ile tukuna waza. Ya tout là, j'ai ajouté tout. Mule mnakuwa vyote. Donc il sait tout. Anayua yote. Il peut tout. Anaweza vyote. La Bible dit. Biblia nasema. Infiniment. Infiniment. Ah, bila mwisho. Maintenant, au-delà, ça sera comment? Bali zaidi. Ah, ok. Merci. Parce que je ne peux pas dire au-delà. Infiniment. Bila mwisho. Donc, la puissance de Dieu est infinie. Maana yake uwezo ya Mungu haina na mwisho. Et septième étape. Na hatua ya saba. Au-delà. Zaidi ya. Donc infiniment au-delà. Bila mwisho na zaidi yake. Au-delà. Zaidi yake. C'est ce qui est merveilleux. Inakuwa ya kupendeza kabisa. On dit au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Banasema zaidi ya ile tukunaomba na ile tukunawaza. Ça signifie que Dieu fera tout dans ta vie. Manake Mungu atatenda tu maisha yako. Ce que Dieu fera. Ile Mungu atafanya. Sera toujours supérieur à ce que tu penses. Et takuya yulu ya ile uliomba na ile unazania. Oh, acclame d'abord pour le Seigneur. Pika kwanja magoti, mikono kwa ajili ya Bwana. Pika mikono kwa ajili ya Bwana. Toujours. Toujours signifie toujours. Maana yake siku zote. Toujours c'est que toujours avec siku zote, nikusema ndio siku zote kwa wingi. Oui, toujours c'est que toujours avec S. Siku zote kwa wingi. Et signifie toujours. Maana yake ni siku zote. Ça ne va pas changer. Parce que c'est toujours. Sera toujours dans l'abondance. Toujours. au-delà zaidi ya yote, ce que Dieu fera dans ta vie, ile Mungu atafanya maisha yako, sera toujours supérieur à ce que toi tu penses. Itakuwa yulu ya ile wewe mbeke unawaza. Sera toujours supérieur à ce que les hommes peuvent te donner. Itakuwa tu yulu ya ile batu unaweza kupatia. La puissance de connaître Dieu. Uwezo ya kuweza kumjua naye Mungu. J'aimerais m'arrêter ici. J'ai donné l'essentiel, le décor. J'ai donné le décor de l'année. Alors, on va prier. Mettez-moi Genèse. Je crois que tout le monde a noté. Vous pouvez prendre des photos, c'est plus facile. Genèse chapitre 17, verset 1, c'est ça notre sujet de prière. Et puis, on va passer à autre chose. Maintenant, c'est la prière. On peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Vous mettez Genèse chapitre 17 verset 1. Genèse 17. Jérémie 32 verset 17. Jérémie 32 17. Et Luc 1 verset 37. Luc 1 37. Donc je reprends Genèse 17 1. Genèse 17 1. Jérémie 32 17. Jérémie 32 17. Et Luc 1 37. Luc 1 37. Nous voulons prier. Tu n'as peine d'accomplir ça. C'est le premier dimanche du mois de l'année 2026. Nous parlons de la puissance de Dieu. Qui vient de la connaissance de Dieu. La puissance de la connaissance de Dieu. Ok, la chorale peut s'approcher. Nous voulons prier. La Bible dit ceci. Abraham fut âgé de 99 ans. Disons 99. Voilà. 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit. Je suis le Dieu tout-puissant. Mimi ni Mungu ya uwezo yote. Merci. On a dit connaître Dieu. Tulisema kumjua Mungu. Se connaître les attributs de Dieu. Ni kujua tena mahali mbalimbali ya Mungu. Majina yake mbalimbali. À 99 ans. Miaka 99. Abraham n'a pas d'enfant. Ibrahim hakuwa na mtoto. La femme a 90 ans. Les deux n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas de richesses. Leur corps est fatigué et a vieilli. Mais Dieu lui apparaît à cet âge-là. Pourquoi Dieu n'est pas apparu à Abraham avant? Dieu voulait que Abraham connaisse. Mungu alipenda Ibrahim ajue. Dieu veut que tu connaisses. Na yeye Mungu anapenda ujue. Il n'y a rien qui peut le limiter dans ta vie. Hakuna kitu kitamwekea mipaka maisha yako. Dieu veut que tu connaisses. Mungu anapenda mjue. Il est le Dieu tout puissant. Kama yeye ni Mungu wa uwezo yote. Il est capable. Yeye anakuwa na uwezo. Il est capable. Yeye anakuwa na uwezo. Il a dit à Abraham. Alimwambia Ibrahim. Je suis capable. Mimi niko na uwezo. De te donner tout ce dont tu as besoin. Ya kupatia yote unakuwa na. Mais attention, le thème a dit, mais ceux qui connaissent la puissance de Dieu se manifeste pour faire la différence aux choses normales de notre vie. À 99 ans, même Abraham, même les médecins devaient seulement dire, on accompagne Abraham. On l'accompagne. Ah, c'est tout, c'est tout boulet. Tu n'auras pas d'enfant. Ah, t'as pas ta comme toto. Et quand Sarah a ri. Na wakati Sarah iliweza kucheka. Sarah dit non non, il est vieux. Alisema hapana, ashakuzeuka. Sarah savait de quoi elle parlait. Mais Dieu a montré à Abraham. Mungu alimwonesha Ibrahimu que je suis capable. Ya kama niko na uwezaji. Aujourd'hui, Léo est la connaissance de la puissance de Dieu dans ta vie. Ya Mungu maisha yako. qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Inaweza kupatia yoyote unakuwa nayo hitaji. Frère, Dieu est capable. Ndugu yangu Mungu anakuwa na uwezo yote. Et quand tu comprends ça, na kama unaelewa maneno haya, tu commences à faire le mouvement. Unaanza kufanya hako na tendo. Tu commences à agir. Kutenda. C'est pourquoi Jésus disait chaque fois, prends ton lit et marche. Comment fais le sema, mouvement. Chukua kitanda yako na kwenda. Fanya marche. Wakati anatembea. Il rentre dans le temple. Anarudia katika hekalu. Cet homme m'a guéri. Na asa huyu mtu alinitunza. Je veux être son disciple. Ninapenda kuwa mfuasi wake. Il le connaît davantage. Alimfahamia tena zaidi. Dieu est capable. Mungu kuna uwezo yote. Le Dieu que nous connaissons. Ule Mungu tunayemjua. Il est puissant. Il a donné à Abraham des enfants à 99 ans. Batoto kumiaka makumi tisa na tisa. Il a donné à Abraham des enfants d'un corps usé, comme nous dit Romains 4. Batoto kumwili yenye kuzeuka kabisa gisi kitabu ya Roma inasema. Abraham savait. Ibrahim alijua. Que Dieu était puissant. Kama Mungu alikuwa na uwezo. Pour ressusciter même les morts. Ili apate kufufula hata wafu. Quelle est ta situation ce matin? Basi hali yako asubuhi ya leo ni nini? Nous voulons commencer une année. Tunapenda kuanza mpya. Ce mois de janvier. Ii mwezi ya Januari. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Expérimente la puissance de Dieu. Ishi sasa uwezo ya Mungu. Tu es malade ce matin. Uko mgonjwa asubuhi ya leo. Tu as des problèmes dans ta vie. Uko na matatizo maisha yako. Il y a des gens qui se sont levés contre toi. Uko bantu walilamuka kinyume yako. Il y a des gens qui ont dit que qui peut te délivrer de ma main. Bengi wanasema nani atakutosha mikono yangu. Ce n'est pas grave. Aitose kitu. Mais toi ici. Lakini wewe hapa. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Utaishi uwezo ya Mungu. Il peut, il est capable. Anaweza na yuko na mkimo. Il fait au-delà. Zaidi ya ile. Supérieur à ce que tu penses. Kwa ile inashindia akili yako. Il fait infiniment. Yako nafanya sa puissance zaidi. N'a pas de limite. Uwezo yake haina mipaka. Il donne ce que tu demandes. Yako naleta ile unamhitajia. Écoute la prière. Yako nasikia ombi yako. Il donne ce que tu penses. Yako naleta jinsi unafikiri. Il lit tes pensées. Yako nasoma juu ya mawazo yako. Ce matin. Basi asubuhi ya leo. Que ça soit tes pensées. Iwe mawazo yako. Que ça soit tes prières. Iwe maombi yako. Le Dieu que je suis venu te prêcher. Huyu Mungu nakuhubiri asubuhi ya leo. Le Dieu qui nous a donné ce thème. Huyu Mungu atupatie kishina. Si tu le connais. Ukimfahamia vizuri. Tu verras. Utaona. Le secret qu'il va faire avec toi. Siri atafanya pamoja na wewe. Oh, nous voulons prier. Hapa tunapenda kuomba. Dis Seigneur, ma Bwana, je veux voir ta puissance. Napenda kuona uwezo yako. Ta puissance. Napenda kuona uwezo yako. Lève ta main droite. Nyanyua mkono kwa kuume. Lève ta main droite. Nyanyua mkono kwa kuume. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je connais. Je connais que Dieu est le tout-puissant. Que Dieu est le tout-puissant. C'est pourquoi je prie ce matin. C'est pourquoi je prie ce matin. Dans tous les détails de ma vie. Dans tous les détails de ma vie. Que je vois la main de Dieu. Que je vois la main de Dieu. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Anza kuomba sasa. Prie pour des situations. Omba kwa ajili ya mahali yako. Prie pour des situations. Ombe mahali yako. Que tu sois malade. Oh, kama uko mgonjwa. Tu as des problèmes. Kuna matatizo. Cette année. Oh, yeye anasema. Dieu est capable. Yuko uwezo. Oh, tu es capable. Tu es capable. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans ma situation, dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. tes deux mains. Pense à ta situation. Luc 1, 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare Natangaza sasa le décret de l'Éternel. Misembo ya wamilele. Que rien n'est impossible à toi. Hakuna kile kitakushinda wewe Mungu. Ce n'est pas au ciel. Haina kumbingu. Parce qu'au ciel il n'y a pas de cas. Kama kumbingu hakuna mambo mbalimbali. C'est sur la terre. Yapa chini ya dunia. C'est dans nos vies. Ndani ya maisha yetu. C'est pourquoi je prie. Hallelujah. Pour tout problème. Kwa ajili aina yote ya mambo. La maladie. Magonjwa. Les détresses. Mangaiko. Les complots de l'ennemi. Mashauri mubaya ya adui. Les réclamations sataniques. Kudailiwa ya kimashetani. Quiconque s'est levé dans la vie de tes enfants. Yeyote atasimama maisha ya wako watoto. Je déclare ce matin. Naisema tena asubuhi ya leo. Que rien hakuna hata kimoja n'est impossible à toi. Kinakushinda wewe. Je bénis ton peuple. Nabariki makutano yako. Je le recommande entre tes mains. Nayaacha katika mikono yako. Merci pour tout ce que tu feras. Asante kwa yote utafanya tena. Reçois l'honneur. Ukaya heshima. La puissance et la gloire. Uwezo na utukufu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Tunasema amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer aux offrandes. Et je reviendrai pour le communiquer après la chorale. Anaweza, anaweza, Jehovah. Anaweza, anaweza, anaweza, Jehovah. Baba anaweza, anaweza, anaweza, lele lele, anaweza, Jehovah. Baba anaweza, anaweza, ana. Anaweza, anaweza, Jehovah. Oh, Baba, anaweza, anaweza, hey. Anaweza, lele, lele. Anaweza, Jehovah. Oh, lele, lele, lele. Anaweza, ana. Anaweza, anaweza, Jehovah. Yo zanzambe na chela kamotema mikolo nyoso za Jehovah Rafa. Soki na beti mololo ezali na tina yo zanzambeo. Yone monganga yako emba zamba la vina ngayo. Yo zanzambe na bomoi. Baba yo zanzambe. Yo zanzambe. Yo zanzambe. Yo zanzambe. Lele. Yo zanzambe na nguya. Baba yo zanzambe. Yo zanzambe. Yawe o. Yo zanzambe. Yawe o. Yawe o. La bêtise est aux Zanzambe. Aux Zanzambe. Aux Zanzambe. Aux Zanzambe. Aux Zanzambe. Nanguya. Lele, lele, lele. Aux Zanzambe. Aux Zanzambe. Aux Zanzambe. Yemba, bolingo na gana Yesu. Bolingo ya sukate. Bolingo ya gana Yesu. Azela te tomo nana neloki, boya mi pesa bona ngaye. Boliko yanga na Yesu we, boliko ya sukateo. Na ebi Yesu yo zamulu bate, kasi nimago kufela ngayi. Boliko yanga na Yesu we, boliko ya sukateo. Ya Yesu babeta kiyo bona ngaye. Zota mobi mbaba zambu isa yo bona ngayi. Allez, sois bon avant. Allez, sois bon arrière. Allez, sois bon avant. Allez, sois bon arrière. Kitsaka tsaka. Kitsaka tsaka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si la chorale a arrêté avant qu'on termine, on va prier le Seigneur. Si nous te recommandons ces offrandes et ton peuple entre tes mains, nous voulons que ta grâce soit sur nous et que tu te manifestes. Bénis ces offrandes et accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je voulais d'abord donner le communiqué de l'église. Nous recommençons notre programme normal. Tout le matin, nous avons prière matinale. De 6h à 7h. Soyons là pour la prière. Amen. Amen. Le lundi, nous sommes dans les secteurs. Nous avons le secteur UCS Quartier Mission qui se réunit ici à l'église. UCS na SNCC. Oui, UCS SNCC, merci. Ah. Ici à l'église. À Papa Kanissa. Quartier Mission se réunit chez Papa Eric et Maman Fifi sur Changalele. Quartier Mission, vous savez que Papa Eric et Maman Fifi sur Changalele. Chez Papa Jules et Maman Sylvie. Bakangambu ya Chitourou, quoi, Papa Jules et Maman Sylvie. Centre-ville et Zout. Centre-ville et Zout. Chez Papa Olivier et Maman Lorraine. Et Papa Olivier et Maman Lorraine. Et le dimanche qui vient, je prierai pour les chefs secteurs. Il est Juma, Ijayon, Taombea, Bakuwa, Mita. Donc soyons là dans les secteurs, c'est important. Twende ma secteur yetu, ni amana kabisa. Pour que nous puissions nous connaître, nous familiariser. Il est tujuane na tufamiane vizuri. Et c'est là que nous préparons aussi vraiment les serviteurs de Dieu dans les secteurs. Ni pale tena tuko na tayarisha batumishi ya Mungu ma mitambali bali. Donc quatre missions c'est Changalele numéro 6. Quatre missions ko Changalele. Numéro combien? 7. Chitourou, c'est Papa Jules. Papa Jules, c'est numéro combien? Bah, Chitourou, à partir de Papa Jules. Avenue Bukavu, Bukavu 7A. Maman Lorraine, chez Maître Olivier, c'est des artisans numéro quelque chose. Ils sont bloqués à Olivier avec les embouteillages, mais ils sont sur la route. Mais c'est sur des artisans, je n'ai plus de numéro. Numéro 32 des artisans. Que Dieu soit béni. Amen. Mardi les répétitions. Kazimbili, kujifunza mimbo. Mercredi, nous avons notre culte d'enseignement. Kazita, tutunakuwa na ibada yetu ya mafundisho. Jeudi, les mamans se réunissent. Kazine wa mama watakusanika. Je n'ai pas le communiqué, le patron n'a pas le communiqué, je ne sais pas. Mais je sais que ce jeudi, c'est la première réunion des mamans du district. Yeni ya kwanza, ya ça va mama se passer à Kamatanda. Itafanika pale Kamatanda. Sakani. À 15h à ya 15 Kamatanda. Pale Kamatanda. Je vais revenir sur ça. Donc toutes les mamans, ba mama bote, vous êtes conviés à aller assister. Unaitwa mwende mzuri ya kule mkusaniko. Vendredi, c'est notre culte mkazi de tano, prière et de jeûne. Ni ibada yetu ya maombi na kufunga. Donc nous donnons un jour la semaine pour nous priver un peu de nos plaisirs. Tunajipatia siku moja tu kujuma, tunajizuiza kwa vitu mbalimbali. Et chacun doit savoir s'imposer un modèle de jeûne. Kila mtu ajipatie namna moja kuweza kufunga kwake. Et chercher la face de Dieu. Na kuweza kutafuta tena uso ya Bwana. Je connais des gens qui ferment leur téléphone. Napenda batu sasa kufunga masimu yao. Des responsables qui disent ah. Non, de tel jour à tel jour, je suis off sur les WhatsApp pour que je ne sois pas distrait. S'il y a une urgence, vous m'envoyez le mail. Je veux ouvrir mon mail de 12h à 14h et je reste en prière. Bien aimé, vous savez, parfois vous voyez la différence entre les hommes. Vous ne savez pas ce que chacun fait en secret. Achanisho katikati ya batu, mwiyo kila mtu kisirisiri anafanya kanini. Toi tu es sur WhatsApp 24h/24. Vous WhatsApp siku zote na saa yote. Minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h, frère. Ndugu yangu. Quand tu vas écouter Dieu toi-même. Utamshikia Mungu peke yako sakani. Il faut se discipliner. Ujipatie utaratibu kwanza. Donc vendredi jeûne et prière. Samedi nous avons intercession le matin. Mupocho tunakuwa na intercession saa 7h30. Que les serviteurs viennent, nous allons commencer à prier comme ça chaque samedi. Vanja kuomba kila siku ya posho. Et dimanche notre culte habituel. Na siku ya yenga tena ibada yetu ya siku zote. Ce dimanche à 15h nous avons rencontre de jeunes filles à la salle La Perle. Leo na saa 15h kuna kuya ibada ya wasichana ku sala ya Perle. Les jeunes filles, vous êtes invitées et conviées à la salle La Perle. Wa vijana banamke mnaitwa na mnaalikwa kwenda kule ku sala La Perle. Soyons là. Ufike. Nous voulons parler de certaines choses. Tunapenda kusungumzia vitu mbalimbali. Aider nos enfants à grandir correctement. Tusaidie watoto wetu bakomale vizuri. Ça c'est le programme. Njio matengenezo semaine, ya hii juma. Et nous vous donnerons le programme du mois. Natapatia matengenezo ya mwezi tena. Je vais donner quelques autres communiqués. Taleta kwa matangazo mengine mbalimbali. Quand on a la connaissance de Dieu, même la façon de servir Dieu devient différente. Kama kuna ufahamu ya Mungu na namna ya kumtumikia Mungu kuna achana. On est plus sukumatique. Abata kusukuma sukuma zaidi naturellement. Utatumikia Mungu gisi na posta hili. Donc tout celui qui fait le travail de Dieu avec négligence, bale boto unafanya kazi ya Mungu na udhaifu, il pêche. Boko unafanya zambi. Il fait mal. Iko mbaya kabisa. Donc nous voulons apprendre à faire le travail de Dieu avec tout le sérieux. Tunapenda kujifanya kazi ya Mungu na heshima yote. Ma prière que 2026 soit une année où l'église va prendre d'autres dimensions. Ombi yangu ni hii mwaka mpya kanisa ipanda tu wengine mpya. Je crois que Dieu le fera. Azaniaka Mungu atatenda hivyo. Alors pour bien travailler et bien organiser l'église, je fais certaines propositions à l'église. Kwa ajili ya kutumika vizuri na kuendelea kwa kanisa, nileta hii mawazo kwa kanisa. Des anciens, des pasteurs, des diaconesses, des diaconies. Bah, je vais vous expliquer ce que c'est. Tabi fasiria, mana yake nini. Nous allons travailler ensemble dans une même vision et que Dieu soit avec nous. Na tutatumika vizuri katika onyo moja na Mungu atakuwa pamoja nasi. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Basi tunambariki Bwana. Pour ça. Kwa ajili ya hiyo. Alors, il y a quelques personnes que j'ai proposées comme anciens. J'aimerais vous les proposer aussi à l'église. Napenda kuwaonyesha tena kwa kanisa. C'est pas la consécration, je les ai proposés. Vous priez pour eux. Vous les encouragez. C'est un travail difficile, je sais. Et avec le temps, selon que Dieu permettra, ils seront consacrés. Alors, je corrige certaines petites fautes que mon secrétariat a faites. Ok. Il y a quatre personnes que je propose à l'église. La première personne, le frère Jules Niembo. La deuxième personne, le frère Guy Seba. Guy Seba, il peut venir. La troisième personne, le frère Patrick Kamuzembe. Et la quatrième personne, le frère Jerry Trofina, il n'est pas là. Mettez aussi ça en tête. Voilà, ce sont les quatre que je propose comme anciens. C'est une tâche noble et difficile en même temps. Ce sont des hommes avant la malaïka. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges. Et nous avons la responsabilité de prier pour eux, de les aider. J'aimerais que l'Église monte d'un cran dans la façon de réfléchir. Et c'est important. Amen. Amen. À côté d'eux, ça c'est sans compter les anciens qui étaient là avant. Vous savez, j'ai hésité de dire les anciens anciens. De dire les anciens qui étaient là avant. Voilà, je n'ai pas dit les anciens anciens. Parce que parfois il faut toujours casser cette différence là. À côté d'eux, j'ai proposé quelques diacres aussi. Les anciens pouvaient aller de l'autre côté. Non, vous pouvez rentrer à votre place. Que Dieu vous bénisse. On peut les encourager. Quelques diacres. Le frère Olivier Kiboué. Il est sur la route. Il sera là prochainement. Le frère Sharon Odier. Donc Sharon Naye. Le frère Albert Matakano. Donc Albert Matakano. Il peut passer. Le frère David Chinkobo. Donc David Chinkobo. Le frère Eric Tola. Donc Eric Tola. Le frère Pacifique Makwete. Donc Pacifique. Le frère Justin Lushimba. Donc Justin Aye. Le frère Martin Boulamba. Doko Martin Boulamba. Le frère Marcel Bayot. Doko Marcel Naye. Le frère Serge, il n'est pas là, il a couru au travail. Serge Neko Kazi. Jules Ndoukila, il est à Colézi au travail. Donc Jules Neko Kazi. Le femme, je vais vous appeler après. Le frère Richard Mumba. Donc Richard Mumba. Le frère Gracien Mokucha. Donc Gracien Mokucha. Le frère Japhet Londoa. Donc Japhet. Papa Christophe. Papa Christophe. Ok, c'est deux propositions. Injo Mawazo Veleiko. Nous allons continuer à prier pour eux. Tendelea kubaombea. Il y a les autres qui étaient déjà diacres, ça reste. Kubaleba diacre bazamani, banabakia sawa sawa. Donc nous sommes en train de compléter pour faire un bon travail. Tukunaongeza kwa hesabu ya kufanya kazi vizuri. Donc je le propose à l'église. Que Dieu puisse les soutenir. Mungu apate kuwasaidia. Alléluia. Amen. Donc Seigneur, je prie pour ces frères. Bwana naombea baraka. Je le commande à ta grâce. Nabacha chini ya neema yako. Oint-les, aide-les dans l'exercice du ministère. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tika chini na Yesu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pendant que. Tafa makofi kwa ajili ya Bwana. Bon, nous aurons à enseigner, nous aurons à aider. Kwa na wakati ya kufundisha na kusaidia. Les choses se passent normalement. Vile bintu ipitike mahali ya kawaida. Je bénis le Seigneur. Nabariki Bwana. Pour tous ses bien-aimés. Kwa ajili ya wanduku wote hawa. Alléluia. Amen. Et 2026, nous avons aussi voulu réorganiser un peu les équipes. L'équipe des mamans. Timu ya bamama. L'équipe des diaconies, je vais expliquer la différence. Timu ya diaconie tena kuleta wachanisho yake. Et je ne vais pas te donner tout le monde. Je vais donner l'essentiel. Taleta kutu ili nakuya ya muhimu. Donc si je donne tout le monde, je vais citer les noms et après je vais appeler les gens après. Tata ya majina kisha taweta kisha. Le département des mamans de l'église. Timu ya wamama wa kanisa. Présidente Maman Mikinkulu, elle peut passer devant. Maman présidente Maman Mikinkulu. Est-ce qu'on peut l'encourager? Ah, Peter Kumbele. Elle est assistée de deux vice-présidentes. Attention de Kizwa, na wa Mama Bawili. Maman Espe Chimpangila, elle se met toujours là. Maman Espe Chimpangila, na wa kia pale. Et Maman Berenice, elle peut. Na Maman Berenice naie a Peter. Maman Berenice Odier. Maman Berenice. Donc passer devant. Upite kumbele. Ça c'est l'équipe. Ini timu des mamans de l'église. Ya wamama wa kanisa hapa. Bon. Je prends juste présidente et vice-présidente, mais je vous donne les équipes. Maman Iguette, secrétaire, maman Priscille Ndoukila, maman Tete Moyaya qui sont les secrétaires. Wa banako bakatibu yao. Chargé de finances, maman Laetitia, maman Evody, maman Michou Fouamba. Chargé de projet, il y a une équipe de projet que nous avons créée. Maman Laetitia, maman Mélanie Chimwanga, maman Yvonne Mokucha qui sont dans les projets. Chargé des affaires sociales, maman Albertine et toute son équipe. Intendance, maman Esther Nora Mbangu, Maman Esther Mbangu, pas Nord. Maman Esther Mbangu, maman Kafat. Et Albert a mis même chargé de l'eau. Maman Kabibi. Ah, chargé de l'eau, t'es bon. Chargé de personnes âgées, maman Tété Magila, maman Inès et toutes les équipes. Chargé de nettoyage, maman Kabibi, maman Régine, Kanjinga et toute leur équipe. Chargé de l'intercession, ça je vais quand même citer. Maman Espé Chipangila, maman Blandine Makwete, maman Élise Mbikale, maman Sylvie Nyembo, maman Christelle Matakano, maman Pasteur Mouema, maman Leki Kazadi, maman Kalumbu, maman Aziza, maman Christine Boulamba. C'est ça? Christine Martin, j'ai dit Christine Martin, bon. Suivi des œuvres médicales, maman Lydie Kamouzembe, maternité, maman Priscille, maman Evody, maman Christelle, maman Lydie, maman Elise Boduka, maman Tanga. Chargée des jeunes sœurs, maman Gloria, maman Marise, maman Inès. Chargée des bonnes œuvres, maman Jeanne Kasongo, maman Elunga, maman Moulassa, maman Tumba. Ça, c'est au niveau de l'église. Donc, la maman présidente est là avec ses vice-présidentes et tous les gens ici du comité que j'ai cité. Est-ce qu'on peut les encourager? Seigneur, je te recommande tout le comité des mamans. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au niveau du district, donc au niveau de toutes les églises, présidente, maman Fifi Kaj Mukendi Mafik, présidente, maman Fifi. Alors, elle est assistée par 5 vice-présidentes de toutes les églises. Maintenant, ici, je prendrai la vice-présidente au niveau du district, maman Lydie Kamouzembe. Maman Lydie Kamouzembe. Secrétaire, maman Safi. Oh, maman Sylvie Nyembo. Elle est là, elle peut s'approcher aussi. Intercession, elle va organiser. Il y a maman Aimée Ditou, maman Patience, maman Lili Batingala, maman Sylvie Nyembo, maman Charlotte Ndongo, maman Savi. Chargée des œuvres médicales, toujours maman Lydie Kamouzembe, avec maman Rachel. Maman Rachel est où? Maman Rachel Ngalula. Elle est où? Elle est là. Maman Rachel est quoi? Elle est infirmière, maman Rachel. Maman Rachel est quoi? Développement au niveau du district, maman Irène, maman Mukucha, elle est où? Maman Yvonne, elle est où? Maman Mukucha, venez, venez, venez, passez devant. Maman Yvonne Caribia. En fait, les deux, et ça c'est le comité du district, passez devant. À côté, il y a la coordination des sections. J'ai expliqué ça aux mamans. C'est maman Godé Mboui. Premièrement, elle est seule. Elle va me trouver quelques personnes. Elle peut s'approcher. Maman Kabibi, aidez maman, maman Godé. Godé Nawe Karibia. Elle peut marcher. Maman Kabibi, aidez ma maman. Attends, ok. Est-ce qu'on peut l'encourager aussi? Piquez Mikono. Piquez Mikono. Ça, c'est au niveau du district. Je cite les gens de l'église. Les jeunes filles, chargées des jeunes filles. Maman Gloria Chipamba, j'ai pris les gens de cette église, hein, qui font le tout. Maman Gloria Chipamba, maman Marise, maman Inès, maman Charlotte Berzani. Vous les connaissez déjà, il n'y a pas de souci. Social, maman Albertine et son équipe. Voilà un peu le comité au niveau du district. Est-ce qu'on peut encourager? Ok, elles vont souffrir, rester un peu devant pour quelques minutes. Voilà, c'est, signifie que nous démarrons l'année avec un grand travail. Tunaanza mwaka na kazi mkubwa. Mes bien-aimés, wapendwa, travaillez de tout votre cœur pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Kazi ya Mungu yende kumbele. Prenez des initiatives. Mukamate kwa mawazo mzuri. Organisez-vous, organisez la prière. Tengeneze, muweke malombi. Vous allez voir que tous les gens que j'ai désignés. Tuna watu wote waweza kuchakula. En fait, ce sont les gens qui sont déjà dans le travail. J'ai entériné ce que j'ai vu. Alors, je vais choisir les gens qu'on appelle diakonesses. Trois caractéristiques des diakonesses. Les diakonesses sont les femmes des serviteurs. Toutes les femmes des anciens. Babibi yote ya baze ya bashemasi ndoko batia konesse. Évidemment la femme du pasteur d'office. Pamoja na mke wa mchungaji. Comme première diaconesse. Ça vient de quoi diaconesse wa kwanja. Et il y a les responsables et les vice responsables de tous les départements des mamans. Kuna kwa tena mwenye madaraka wa département wa mama. Donc là, je vais quand même leur demander de passer devant, on va prier pour eux une fois pour toutes. Maman pasteur Elvire. Maman pastori. La première diaconesse. Maman Mikin Koulou. Yen diaconesse wa kwanja. Maman Lidika Muzembe est là devant. Maman Lidika Muzembe. Maman Rachel. Maman Rakeli. Maman Mélanie Chimwanga. Maman Mélanie Chimwanga. Maman Laetitia Kayembe. Maman Laetitia Kayembe. Maman Albertine Banza. Maman Albertine Banza. Maman Régine Kanjinga. Maman Régine Kanjinga. Maman Esther Mbangu. Maman Esther Mbangu. Maman Kafat. Maman Kafat. Maman Tete Majila. Maman Tete Majila. Maman Inès Lushimba. Maman Inès Lushimba. Maman Kabibi Ndomba. Maman Kabibi Ndomba. Maman Espe Chimpangila. Maman Espe Chimpangila. Maman Blandine Makwete. Maman Blandine Makwete. Maman Christelle Matakano. Maman Christelle Matakano. Maman Evodie Nawej. Maman Evodie Nawej. Maman Priscille Ndukila. Maman Priscille Naye. Maman Iguette Salanga. Maman Iguette Salanga. Maman Elise. Maman Elise. C'est un nom difficile, hein? C'est Elise. Bon, Maman Elise Boduka, c'est plus simple. Maman Elise Boduka, il est qui est pas si Maman Elise Boduka. Maman Jeanne Kasongo. Maman Jeanne Kasongo. Maman Béa Félicien. Maman Gloria Moulangu. Maman Gloria Moulangu. Maman Marise Mukanzila. Maman Yvonne Mukucha. Ok. Maman Moulassa. Maman Tanga. Maman Pasteur Mouema. Maman, tu as pris Maman Yvonne Mukucha deux fois. Maman Meta. Maman Meta. Je vois encore Maman Yvonne Mukucha. Bon, je vois, c'est tout. Donc, ici, j'ai pris les responsables et les vice-responsables de chaque commission des mamans. Maman que j'ai oublié. Nasabu Nani. Est-ce que j'ai oublié une commission? Les conseillers, maman, les conseillers, oui. Maman Charlotte, j'ai cité la première catégorie. Donc, les femmes des serviteurs et les vice et vice-présidentes de commission. Maintenant, toutes les conseillères. Ça, wa shauri wote. Il y a, bon, maman pasteur, elle est déjà citée. Maman Ndongo Charlotte. Maman Ndongo Charlotte. Maman, bon, là, ça, je prends la liste des conseillères. Oui. Donc, Maman Meta, bon, elle est déjà là. Maman Charlotte Nongré, déjà là. Maman Béa Kimo. Maman Béa Kimo. Maman Godé Mboui. Maman Ndongo. Maman Charlotte Berzani. Voilà, je pense que j'ai cité toutes les catégories. Voilà, vous voyez les mamans ici. Nous prions pour elles, nous les encourageons. Ils vont faire l'œuvre de l'Éternel. Dieu va les aider. Et maman Sophie, tu es femme de serviteur maintenant. Albert n'a pas complété. Maman Sophie Chinkobo. Maman Sophie Chinkobo. Il faut que je vois bien. Mais on n'a pas dit que les autres ne font pas le travail. Ici, j'ai pris les responsables de commission, les femmes des serviteurs et les conseillères. Est-ce que j'ai oublié encore quelqu'un? Nasabo mutu mwingine. Hein? Christ. Hmm? Qui? Mais j'ai cité non? Christy Boulamba. Maman Christy, j'ai cité. Tu es la femme de frère. Toutes les femmes des serviteurs, des diacres. Babi, botte à votre Michel. Et des anciens, voilà. Nabazé. Toutes les femmes des serviteurs. Venez, venez, venez, venez. Voilà. Ok. Nous prions. Mungu Abba Saïdi. Que Dieu puisse les aider. Que Dieu les soutienne. Mungu Abba Saïdi. C'est pour le travail. Et quoi, nous sommes des serviteurs. Tuko batumishi. Notre travail, c'est vous servir. Kazi yetu, batumiki ya nini. Alors, les apôtres avaient dit à l'église, choisissez parmi vous des hommes et des femmes à qui nous allons confier certaines tâches. Bantu, Dieu a makaji moya fulani. Voilà, elles seront là pour servir, pour vous servir, et nous voyons que Dieu va faire grâce. Mungu atafanya neema. C'est ça, non? Maman Albertine, j'ai cité, non? Maman Albertine, vous restez dans... Il y a un travail. Passez d'abord devant, on prie aussi pour vous. Parce qu'il y a un travail que je lui ai demandé. On attend qu'elle arrive aussi. On prie à le Père. On cherchait un nom, hein? On vient de trouver le nom. Maman, tu nous pardonnes. On a écrit Maman Japhet. Maman Stella, c'est le nom qu'on cherchait. Maman Stella. Maman Stella. Elle est où? Maman Stella Londoa. Ok. Donc, parfois nous écrivons les noms, nous avons seulement des prénoms, on n'a pas de noms. Vous allez nous aider pour avoir des noms complets, ce sera toujours bon. Seigneur, merci, je vais recommander tes servantes. Bénis-les. Dans leur un cœur de servantes. Qu'elles te connaissent. À ce moment-là, elles te serviront librement. Je les bénis et je les recommande à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Elles peuvent rentrer à leur place. Est-ce qu'on peut les encourager? On peut les encourager. On peut les encourager. À la fin du culte, je reste avec les hommes, tous les hommes qui sont dans la salle. Nous restons avec eux pour parler un peu. Les autres commissions continuent à fonctionner comme d'habitude. Mais il y a un département qui est censé exister, qui n'a jamais existé. Vous savez, notre district, nous sommes en train d'implémenter les choses au fur et à mesure. Ça s'appelle la diacre. C'est un nouveau département. Par diaconie, nous mettons un accent sur l'action. Il y a des tâches qu'on fait dans l'église. Il y a des tâches qui seront données dans l'église à faire. Mais tout ça, c'est dans l'esprit de renforcer la famille au sein de l'église. Alors, il y a un département de diaconie. À ne pas confondre avec les diaconesses. Les diaconesses continuent à travailler le Seigneur, à travailler dans l'église, le travail qu'elles font. Mais les diaconies, c'est des tâches spécifiques que nous donnerons et que ce département nous proposera pour que l'église puisse aller de l'avant et avancer dans l'œuvre. Je vais seulement citer les gens qui sont des gens qui font déjà le travail. C'est le principe. Habituellement, comme je dis, je nomme pas les gens. Je vois, j'essaie de comprendre ce que je vois dans les gens. Kishia, ili ndani ya watu. Le comité, c'est Giseba, Elvis Chipamba, Gracien Mukucha et Maman Albertine qui constituent le comité de ce département des diaconies. Wow, ce sont des gens qui font déjà diaconie. Le travail. Membre de ce comité, wa memba wa itimu. Pacifique, Maman Tete Majila, Olivier Kiboué, Eric Tola, Maman Esther Mbangu, Maman Christelle Matakano et Vodi Priscille, Maman Lydie, Maman Élise. Ça, c'est le comité vraiment des gens qui s'occupent des mamans qui s'accouchent. Donc, des gens qui font déjà le job. Maman Gloria avec les jeunes sœurs et la chorale. Papa Serge Chimwanga, frère Jules, David, Maman Charlotte Berzani, Maman Yvonne Mukucha. Donc, vous voyez que ce département, il est un peu, il prend quelques personnes et qui font déjà le travail. En tout cas, pour la plupart des gens qui sont ici, ils sont déjà dans le travail. Il y a des choses que je ne sais pas dire à l'église, à la chair, en présence de tout le monde, mais je connais ce que chacun fait comme travail et je prie que Dieu puisse assister ces gens. Ils auront le temps de se réunir et de planifier certaines actions pour l'église. Voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui pour réorganiser l'église. Les chefs secteurs, je vais prier pour eux. Nous continuons à enseigner les diacres, les diaconesses et les anciens. Et en 2026, nous allons programmer la consécration. À côté de ça, vous prierez pour moi. Je continue à prier. Je sens dans mon cœur les deux chairs symbolisent deux églises. Je les laisse ici. Nous prierons le Seigneur. Et sûrement qu'il y aura deux autres sources fécondes. Et Dieu va nous aider. Donc, le premier, Dieu nous a secoué en nous donnant les deux chairs. Vous allez voir, je ne les distribue pas. Papa, j'ai dit non. Unanita, baba, baba, laissez-moi mes deux chers ici. Ça image deux églises. Quand deux enfants étaient dans le sein de Rebecca, elle disait qu'il y avait deux nations. Donc, le médecin a vu deux enfants, mais Dieu a vu deux nations. Désormais, on me mettra les chairs là-bas. On va repositionner les rôles là pour qu'on ait une bonne visibilité. Amen. Et après, nous allons rester avec les hommes adultes. Voilà tout le programme. Moi, je vous encourage vraiment, travaillons. Et que Dieu puisse nous faire grâce. À côté de ça, il y a quelque chose que je vais faire. Je le ferai, je pense, ici au mois de janvier, vers la fin du mois. C'est pour tous mes enfants qui ne sont plus à Likasi, qui vivent loin. Je les appellerai un dimanche. Et je vais prier pour eux. Je leur dis, nous allons prier pour eux et nous allons les consacrer. Allez faire le travail là où vous êtes. Il y en a qui prêchent déjà, il y en a qui ont déjà des gens, il y en a qui prient pour les gens. Alors, ils ont besoin de la couverture de leur paix. Et je prierai pour eux. Peut-être dimanche 18 ou 17 ou l'autre dimanche, ça dépend comment Dieu va nous faire grâce. Vous les verrez, vous les connaîtrez. Et je prierai pour eux. Je prierai pour eux pour qu'ils fassent le travail et qu'ils fassent sous notre couverture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que j'ai donné tous les communiqués. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu dis? Ah, ok. Merci. Donc, l'après-midi, 15h, on va voir, c'est 15h juste. Mangaribi, on va faire 15h juste. Nous sommes à la Perle. Tu n'es pas à la Perle. Pour toutes les jeunes sœurs, soyez là. Et même maman, ce n'est pas mauvais d'apprendre ce que nous donnons à nos enfants. Mais invitez une amie, deux amies, trois amies. C'est toujours important. Il faut partager la vie éternelle. Il y a une petite équipe, je vais annoncer à l'église. Il y a une petite équipe que j'ai créée. Qui passera chez vous vous voir. Je vais quand même donner. Il y a tellement de papiers chez moi. Il y a tellement de papiers, je ne sais plus, je peux me tromper, mais qu'à cela ne tienne. Mon fils m'a donné beaucoup de papiers. Ok, il y a une petite commission que j'ai créée. Vous voyez, nous avons des grands événements que nous organisons dans notre église. Nous avons à peu près 3 grands événements. Pâques, Pasaka, Likasitador et Mulima 30. Na Mulima 30. Nous sommes déjà en 2026. Nous devons préparer ces événements. Tous les départements, déjà dans votre programme, sachez que nous aurons ces 3 grands événements qui font partie de notre travail. La Pâque cette année, c'est le 5 avril. Pentecôte, c'est le 29. Pentecosta, ni mutare makumi mbili na kenda. 28 ou 29 mars. Ya mwezi ya le 29 mars. Ya mwezi ya c'est la Pentecôte. Dios et la Pentecôte le 5 avril. Pasaka ni le 5 avril. Donc c'est vraiment plus tôt. Iko karibu kabisa. Tous les responsables préparaient cela. Kila wote mwenye kwa na madaraka tayarisha. Les Casitador cette fois-ci c'est au mois de juillet, fin juillet. Les Casitador ni mwezi ya saba kumwisho. Pour ne pas déborder vers la rentrée scolaire. Et Mulima 30 de l'année prochaine, on aura seulement 14 jours de prière. Mulima 30 ya mwaka kesho tutakuwa na masiku 14 ya maombi. Voilà, ça c'est le programme de cette année. Injo matengenezo ya hii mwaka. Maintenant, pour préparer cela, nous allons faire demander à chaque famille une contribution mensuelle. Kwa ajili ya kuweza utayarisha ile kila jamaa ataleta kumchango yao ya kila mwezi. Nous prierons. Kila siku ya donc vous allez chaque on a pris toutes les familles de l'église. J'espère que c'est toutes les familles qu'on n'a pas oubliées. Ici je vois 50 familles. On a jama makumi tano. J'ai donné que Albert et le frère Guy, l'ancien Guy, me check encore cette liste. Pour... Et on va envoyer les invitations à chaque famille. Et on va proposer une contribution familiale mensuelle qui sera gérée par une petite commission que j'ai créée, la commission de vœux des familles. Commission de vœux et famille. C'est une petite commission qui dépend du pasteur. Le responsable, c'est le frère Gracien. Gracien Mukucha, si vous voulez. Gracien Mukucha. Qui sera assisté de Maman Inès. Maman Inès. Mais dans l'équipe, c'est Gracien Mukucha. Gracien Mukucha. Justin Lushimba. Donc Justin, Inès Lushimba, donc le couple Inès, na kwa muke wake. Justin, Jules Ndukila, donc Jules Ndukila, et Priscille Ndukila, donc le couple, il est Josie Ndoku Jules Ndukila et Martin Boulamba et Christine Boulamba. Ndoku Martin pamoja na muke wake. Donc voilà, ces gens, ils seront répartis dans chaque secteur. Ils vont vous donner soit à la fin du culte dimanche prochain votre lettre de votre famille. Ils vont commencer à vous rappeler chaque mois. N'oubliez pas notre engagement pour Dieu et nous prierons pour ça. Je lis la lettre qui vous sera donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, Josué 24, 15b nous dit: Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a une bénédiction liée au service de la famille pour Dieu. C'est dans ce cadre que le Seigneur nous a mis à cœur que chaque famille de l'Église fasse une contribution mensuelle comme vœu et autel à l'Éternel. Nous prierons chaque premier dimanche du mois et cet argent sera géré de façon spéciale et sera plongé dans l'œuvre de Dieu pour les activités spéciales dont l'Ikasitador et Moulima 30. Cela sera une couverture spirituelle et notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Une équipe constituée de frères et sœurs dont les noms ci-dessous sera chargée du suivi. Il s'agit des frères que j'ai cités. Que le Dieu de la source féconde qui m'a appelé, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc voilà, ça sera cette lettre-là qui vous sera donnée. Si déjà vous avez à cœur quelque chose, Dieu vous touche, vous pouvez voir Gracien. Vous le voyez, c'est un jeune frère, un frère très bien. Qui aime déjà Dieu, qui est déjà dedans. Et très honnête, vous le voyez. Vous voyez le couple Martin, le couple Justin, le couple Jules. Priscille, maman Priscille, je ne l'ai pas vue. Elle est où? Elle est là. Donc vous voyez. Selon que je vous mets à cœur. Vous pouvez déjà donner votre nom, même avant que la lettre ne puisse arriver. Voilà tous les communiqués que je voulais donner. Et c'était important de démarrer 2026 avec tout le programme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Quand on connaît Dieu, on le sert normalement. Nous allons nous tenons debout pour prier. Oui. Le premier, vous étiez très bien habillé. C'était bien, le premier. Ça cassait un peu les habitudes, hein? À la fin du culte, protocole, mettez-vous sur toutes les portes. Que les gens ne traînent pas. Mais j'ai voulu que vous puissiez donner un sucré à tout le monde, j'espère. J'espère que vous avez prévu autant de sucrés pour autant. C'est dans la joie, nous sommes dans la cour, tu prends ton sucré. Il n'y a pas de souci, il y a des poubelles. Il y a des poubelles. Il y a des poubelles dans la cour. Vous jetez la bouteille là-bas. Vous souhaitez les vœux à quelqu'un. Nous passons de moments ensemble. Je vais vous demander au protocole vraiment de se positionner partout. Et pendant ce temps, nous allons échanger. Vous voyez les gens que j'ai cités, etc., etc. Et je demanderai le cantique que j'ai demandé le premier. Grâce. Je ne connais pas le titre. Ok, lève ta main. Nous allons prier. Nous allons connaître ta peine de combat. Qui a chanté ça? C'est Gloria. Qui va chanter ça? Ok. Allez. Seigneur, merci. Merci. Nous démarrons une nouvelle année. Je crois, avec la connaissance que tes enfants ont, ils vont agir avec fermeté pour faire des exploits qui vont faire la différence dans leur vie. C'est pourquoi je les bénis. Au nom de Jésus, je bénis leur vie. Que la puissance de la connaissance d'un Dieu tout-puissant se manifeste dans leur vie. Ce Dieu capable, ce Dieu illimité, ce Dieu qui fait au-delà et infiniment. Merci Seigneur. Tu nous as révélé des mystères. Que la connaissance vienne de la révélation. La révélation nous pousse à l'action. L'action donne la foi. La foi donne des miracles. Et nous connaissons notre destinée. Merci Seigneur pour ce moment, pour ton peuple. Je consacre l'année 2026 pour tous les enfants de l'Église Source Féconde. Que les malades soient guéris. Il n'y aura pas de mort au milieu de nous. Ceux qui font des business, qu'ils croissent, qu'ils prospèrent, qu'ils témoignent les miracles de Dieu, qu'ils te connaissent davantage. Seigneur, merci. Bénis ces instants. Bénis ton peuple. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête, merveilleux. Et prenez un sucré à l'occasion de la fête. Gauche, que Dieu droite, vous bénisse. 1, 2, gauche, droite. On y va. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, je parlais à mon papa. Et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde veut souvent. On y va, gauche, droite, 1, 2, gauche, droite.